Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Putain, je m'entends pas du tout, du tout. Ah bon ? Très impressionnant. Ah ouais, non, c'est pas grave. Oui ! Oh, il était en train de te plaindre du micro. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes charmants. Oula, j'ai plus mes mots. De façon accompagnée de façon. En fait, tu dis, t'enlèves ton bonnet en disant bonjour. Mais oui, En fait, là, il a un bonnet depuis qu'on est arrivé et tout. Puis bonjour ! Et c'est le moment où il enlève son bonnet. Il y a un truc sous le bonnet. Rien du tout. Un oiseau qui s'envole. Non, bonsoir. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de charmants invités. Notre premier invité, la dernière fois qu'il est venu dans l'émission, il a littéralement bousculé l'échiquier politique avec des propos qui ont bouleversé la toile. Trump, il est orange. C'est ce qu'il était venu dire ici. Ouais. Ah ben oui, il a fallu que je m'exprime sur beaucoup de médias politiques pour donner une réponse. Il a fallu que je donne les nuances de orange exactement pour parler. Les gens étaient là, qu'est-ce que t'as dit là? Il est orange. En fait, c'était orangé. Le Pantone. Depuis, il joue son nouveau spectacle en tournée dans toute la France et reviendra bientôt à l'Européen à Paris début 2022. Il vient de sortir un livre intitulé Comédienne Rhapsody, V comme vibrant, D comme décibel et B comme Bono, le chanteur de U2. C'est Thomas VDB. C'est le rock, c'est Oh, allez, on le fait saturer ce micro. Oui, bonjour. Bonjour à un volume normal. Merci de cette petite présentation. Bah, toujours avec grand plaisir. Comédienne, scénariste, musicienne et réalisatrice, elle a sorti l'année dernière le moyen-métrage Fantasme qui culmine à plus de 450 000 vues. Ah bon ? Je te le dis. Bon, genre, tu regardes pas les chiffres. Mais je jure sur ma tête que je ne regarde jamais. Je regarde les commentaires les deux premières semaines et après, je ne regarde plus. Allez, c'est aussi la femme derrière la série Genre humaine. Elle a écrit la BD La soutenable légèreté de l'être et a récemment joué dans la mini-série Une mère parfaite, dont la sortie a été repoussée à cause de Jean-Paul Belmondo qui a essayé de gâcher sa carrière en mourant. C'est Eleanor Coste. Tu sais tellement de choses, c'est incroyable. Oui, mais il sait tout. Genre le truc de Belmondo, c'est fou que tu saches. Qu'il soit mort, bah ouais, je me suis renseigné de ouf. C'est dingue. Ouais, j'ai taffé de dingue. Ça serait pas les émissions. Sa chaîne YouTube compte plus de 280 000 abonnés, je suis très chiffre aujourd'hui, et est connu par exemple pour Il fait tout noir, dans lequel il reçoit à chaque émission un commentaire qui dit « Eh, fais-le avec Gilbert Montagnier, MDR, je suis explosé au sol, t'es mal délire », ainsi que La taille du rat, Squid Game. Il est scénariste, fait partie de Multiprise, il a déjà fait la bise à Hélène d'Hélène et les garçons, c'est Aurélien Prévost. Ah oui. Bravo. Bonsoir, bravo. Bonjour. Malgré tout ce qu'il s'est passé, il a pas changé, il est toujours le même enfoiré, il retourne pas sa stevée. Non, il garde ses principes et ses points d'attache, il kiffe pas la célébrité, il ramasse juste son cash. Man, il kiffe les mêmes, ainsi que la série Squid Game, sur disque ou sur scène, c'est Adrien Méniel. Oh ouais. C'est très... propos. Et c'est NIPER. Pour commencer l'émission, je lance le jingle des actualités du Floodcast. Les news du Floodcast. Que c'est ringard. Faudra qu'on en refasse un autre, celui-là. Qui a fait la voix? Adrien. Non. Moi, j'ai rien à voir avec qui ce qui a fait la voix. J'en ai parlé. Non, c'est Florent qui l'a fait. C'est Florent. C'est, tout le monde croit que c'est moi, mais c'est Florent. C'est Robinson Latour, notre ami en commun, m'a dit Adrien, à chaque fois que tu mets ce jingle, il dit c'est pas moi, c'est un peu insultant, je trouve. Je l'ai dit deux fois. Alex Pouline, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, est champion du monde de snowboard et est devenu papa en octobre. À votre avis, en quoi cette information est surprenante? Il y a quelque chose de surprenant dans le fait qu'il soit devenu papa mort en octobre. C'est une excellente réponse d'Adrien Méniel. Alors, dans le fait qu'il fasse du snowboard ou non, dans le fait qu'il soit décédé. Mais alors, en quoi c'est un peu il fou. Est mort. Il est mort. Il est mort, mais attends. Il et est... il, a été... et il est devenu papa non. en octobre. Attends, est-ce qu'il est mort avant la ligne d'arrivée? Et il a continué, il a quand même fait. Il est mort d'un accident de snowboard. Alors, il est en plus, même pas, il est mort d'un accident de plongée, donc vraiment rien à voir. Mais quel rapport avec le fait qu'il ait eu un enfant? Alors, justement, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. En fait, c'est un quiz en fait. C'est. en ayant un orgasme? Non, il a. En ayant un orgasme. Enfin, mais dis-nous. T'as dit orgasme comme un enfant qui dit un gros mot. Eh ben, ça doit être qu'il est mort et l'enfant est né genre bien longtemps après. Exactement. Alors. À votre avis, comment? Pas le père. C'est toujours le cas, ça. Si, si, si. L'enfant est né 12 mois après. Le bébé est né bien longtemps après. Oui, mais bien longtemps après la mort. Ah, après la mort de son papa. Oui, mais bien longtemps, vous expliquez. Il était même pas au courant qu'il allait l'avoir. C'est parce qu'il y a 9 mois de gestation. Exactement. Non, non, c'est pas pour ça. Éléonore a parfaitement raison. En fait, donc ce snowboarder australien est mort 15 mois avant la naissance de l'enfant. Ah, mais il avait. Ah oui, sa mère, sa femme a récupéré du sperme, ouais. Oui, alors. Ah, j'ai lu ça. Moi, dès qu'il y a le mot sperme dans l'article, j'ai un Google Alert. Sperme. Dès qu'il y a écrit sperme, je suis hop, hop, hop, hop, ça va pas m'échapper, mon pote. Il a congelé le sperme, bah super, disons, le Mr Freeze. Et donc, voilà, d'accord. Oui, mais ça, je l'ai lu dans un article cette semaine, mais je savais pas que c'était un snowboarder. Mais j'ai lu qu'un mec était mort et que ta femme allait avoir un enfant de lui. Alors, oui, cela dit, elle a pas récupéré le sperme à même le cadavre. J'ai vu que ça fait un geste de presser comme une éponge. Tu sais, tu presses, puis il y a une goutte de sperme qui sort. Essorer la queue d'un mort, peut-être le titre. Déjà. Non. En gros, ils essayaient d'avoir un enfant avant qu'il décède et donc ils avaient congelé le sperme, pour utiliser le terme scientifique de donc, Thomas. Ils avaient quand même prévu qu'il allait peut-être mourir. Du coup. Non, ils avaient prévu qu'ils allaient galérer, donc du coup ils avaient fait des prélèvements de sperme. Je sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais même, j'ai jamais fait l'amour, tu moi perso. Branle dans un truc. Ah oui, dans la peau. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas une aiguille. Non, mais au début je croyais que c'était ça. Je croyais que tu faisais un prélèvement de sperme pour avoir les enfants in vitro, je sais pas quoi. Je pensais vraiment qu'il y a des scientifiques qui arrivaient et qui te mettaient les couilles. Et on m'a dit, bah non, mais vous savez, maintenant tout le monde est au courant que c'est rentré dans les mœurs, mais en fait ils te foutent des films porno. C'est quand même beaucoup plus terre à terre quand même dans les hôpitaux. Et si hein, quelqu'un avec une aiguille, c'est un piège. Faut partir très vite. Forcer la trappe. Thomas, tu parles énormément de rock dans ton livre. Eh bien, sache qu'un t-shirt a décroché la timbale de t-shirt de rock le plus cher du monde, voilà, en étant vendu 17 640 $ américains des States. Eh ben. À votre avis, c'est un t-shirt de quel groupe? Alors, c'est une pièce unique, j'imagine. C'est pas le t-shirt de Kurt Cobain? Alors non, c'est pas un t-shirt qui a appartenu à un groupe. C'est vraiment un t-shirt d'un groupe de rock. Alors, une pièce unique? C'est une pièce unique. Je peux même vous le dire, c'est une pièce. Ça va peut-être vous donner un indice sur l'année. C'est un Hells Angels très connu. Alors moi, je connais pas, mais qui s'appelle Alan Gut Tarkas. C'est Blue Oyster Cult. C'est pas Blue Oyster Cult. On va aller dans la référence la plus pointue, je crois que c'est un t-shirt de 73 de la deuxième tournée de Grand Funk Railroad. ACDC ? Pas ACDC. Led Zeppelin. Motorhead. Pas Led Zeppelin. C'est Motorhead. Un peu moins connu, très Iggy connu Pop quand même. Pas Iggy Pop. Pas les Stooges. The Doors ? Pas les Doors non plus. Un truc, mais attends, un Hells Angel, t'as dit ? C'est un Hells Angel qui l'a acheté ? Non, qu'il avait conçu à l'époque. Wet. Pas wet. Donc wet, c'est wet, un groupe un peu biker. Pas vraiment un groupe de bikers. Enfin, moi, j'ai pas de hippie un peu. Ouais, moi j'ai plus. Grateful Dead. Très bonne réponse. Ah, putain, qui m'a orienté sur la bonne réponse. J'allais dire Dead Can Dance parce que j'avais confondu. Grateful Dead? Non, je connais pas. Il y a Dead. Si, c'est un Grateful Dead Can Dance. Regardez les deux fans de rock là, regardez. Regardez-les en train de s'en papaouter les deux là. Oh. Et bah, Eleonore connaissait pas le groupe Grateful Dead, mais moi c'est un plus groupe et très Aurélien connu. Et Aurélien non plus, et Aurélien, tu connaissais pas. Ah ouais. Mais c'est parce que bon, je parle pas assez fort dans mon micro, je crois qu'on a trop baissé. Depuis tout à l'heure, il donne toutes les bonnes réponses, mais il donne pas assez fort. Les t-shirts en tie-dye de Grateful Dead. Ah oui, bah voilà. Des bah, comme ça là. Mais avec un squelette à la place. Oui, il n'y a jamais écrit Grateful Dead sur les t-shirts de Grateful Dead. Bah. C'est des t-shirts psychédéliques de plein de couleurs. C'est ça. Avec un squelette souvent. C'est les t-shirts des Deadheads. C'est les mecs qui suivaient les Grateful Dead pendant toute leur tournée. Si vous avez vu la série Freaks and Geeks, bah à la fin, elle devient une. Ah bah Dead. Je connais. Ah bah en fait. Tu vois. Oui, moi aussi je connais cette série. À la fin, elle part avec des fans de Grateful Dead. J'ai une ref. Voilà. Bah là, c'est un t-shirt qui est décrit, qui date de 67 et qui est considéré comme l'un des premiers t-shirts officiels de l'époque des plus grandes performances. Officiel, mais une pièce unique. Du Dead. Ouais, du J'adore Dead. Les gens qui disent ouais. Comme je connais un journaliste de rock, quand il parle de Black Sabbath, il dit le sab. Le sab. Et donc il dit ouais, le sab. C'est un alors moi le c'est pas le sab. Oui, c'est le sabatier pour moi. C'est Patrick Sabatier. Black Sabatier, un t-shirt à faire peut-être. Black Sabatier. Je vais me le faire dans le magasin de t-shirts dès que je pars d'ici. Obligé. En parlant de t-shirts, d'ailleurs, bah Thomas, oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. J'ai pensé à la même chose. Mais vas-y. Putain. Vas-y, mais vas-y. Serre-moi la main. Mais je te serre la main. Vas-y, je t'en prie, Adrien. Ah non, vas-y, bah attends. On le dit à trois en même temps. Mais tu commences. 1, 2, 3. Aujourd'hui, il y a le merch du Floodcast. Il y a une semaine. Comment ça? Il y a une semaine. Vous l'avez pas bien dit ensemble. Vous l'avez pas très bien dit ensemble. Bon, on a sorti du merch Floodcast, voilà, parce que ah oui, on a décidé. Ah, trop bien. Et donc il y a des c'est t-shirts, quoi, ouais, des pulls, des bonnets, des casquettes et des sweats à capuche. Voilà, des hoodies, voilà, des sweats. C'est sur le site TrafficPHIC, donc n'hésitez pas à aller voir. Non, non, c'est un site qu'il a fait, un gars qui s'appelle Clément, qui est adorable. Et c'est des trucs brodés, donc c'est un peu joli. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Et c'est disponible un mois, je sais pas si c'est disponible un mois. En fait, vous précommandez. C'est limité. Pourquoi ? Ah ouais, d'accord. Ça permet d'en imprimer juste ce qu'il faut, quoi. Les gens précommandent. Il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Mais vous devriez faire un peu plus parce qu'il va y avoir Noël. Bah, en fait, justement, c'est. Ils choisissent. Noël, c'est dans. Tu peux acheter les cadeaux avant, tu vois. C'est le mois prochain. Tu vois, en gros, c'est les. Putain, j'avoue, mais. C'est vrai. Avoue que c'est le mois prochain, Noël. J'avoue. Attends, t'ose pas avouer. Ah, t'es là, tu te mijores. Non, en fait, les gens précommandent et donc on ne conçoit que ceux qui ont été précommandés. Donc il n'y a pas de stock, c'est vachement bien. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais moi, j'allais aussi revenir sur autre chose, puisque. Tu parles, Thomas, de ton livre de t-shirt, puisque tu t'es fait ton propre t-shirt de Queen. Alors, pas un t-shirt, mais est-ce que tu peux nous... C'est marrant parce que tu me lances vraiment comme si c'était une petite astuce bricolage que je demandais. Mais toi, tu te fais toi-même tes t-shirts de Queen? Non, bah non, bah oui. Bah, je raconte que j'avais 13 ans hein, quand même quand je l'ai fait, mais c'est qu'effectivement, j'avais pas les moyens de m'acheter des t-shirts de musique à l'époque. Et parce que c'était 120 francs quoi, donc 120 francs ça fait combien? Ça fait 20 euros à peu près quoi. Ça fait, ouais, et ça bon, fait moi un peu quand même. J'avais pas 20 euros d'argent de poche quand j'avais 13 ans, tu vois. Et donc, si un jour je voulais. Donc j'avais un copain, il avait plein de super t-shirts de ACDC et tout ça, et moi j'avais rien du tout. Et donc ma mère m'avait dit, comme je m'étais inscrit dans un club de tennis uniquement pour pouvoir le mercredi matin avoir 10 minutes pour rouler une galoche à ma copine de l'époque, parce que allez, sinon j'avais pas l'occasion de la voir, donc je m'étais inscrit au club de tennis en même temps qu'elle. Et ma mère m'avait dit, bah tiens, je vais te donner. Alors, déjà, j'avais une raquette en bois, moi. J'étais le seul gars à arrêter parce que c'était. J'ai récupéré tous les trucs de mes grands frères et de mes oncles. Donc, ma mère avec me dit, bon, boyaux, bah, avec les boyaux de chat, là. Une raquette en bois, que de la portée, t'as mal au bras, quoi. Ouais. Tellement, t'es là, ça a été hyper lourde. Et donc j'étais le seul à arriver là-bas avec une raquette en bois déjà. Et surtout, effectivement, je m'étais fabriqué mon propre t-shirt de Queen en bois. Avec un polo tennis de ma mère, mais des années fin 60, avec bien des grosses mailles bien lourdes. Et je m'étais dit, bah attends, j'ai un marqueur Velleda, je vais pas me faire chier, je vais écrire Queen Live Magic dessus. Et donc, mais sans me dire qu'au marqueur, bah ça bave un peu quand même quand t'écris sur un polo. Et donc j'étais arrivé au club de tennis vraiment, mais alors mine de rien, vraiment genre c'est pas moi qui l'ai fait. Ah bah non, j'ai acheté sur un marché, j'ai payé 25 balles. C'est un polo, tu rigoles, c'est un polo Queen Velleda. Et donc voilà, donc tous les gens me regardaient en me disant, mais pourquoi t'as fait ça là, ça bave. Qu'est-ce que t'as écrit? Queen Live Magic, je l'achète au concert. C'est très touchant. Moi j'avais ouais, il y avait cette mode aussi de customiser ses sacs à dos. Vous faisiez ça toi Aurélien? Non. T'as pas customisé tes pecs et tout là? Ouais. Non, pas trop, non. Parce que là tu respectais tes ustensiles de travail. Je faisais trop de fautes sur mes copies, j'avais plus assez de Tipex pour écrire autre chose. C'est ça. Cela dit, tu parles de fautes, moi j'avais voulu taguer, bah c'est marrant, t'en parles beaucoup dans ton bouquin, Korn, parce que moi j'avais voulu taguer Korn sur mon sac à dos. Et Korn, je sais pas si vous savez, mais la petite astuce de leur, de leur groupe, c'est le R est à l'envers. Ah oui. Oui. Et moi j'avais fait le K à l'envers. J'étais trompé, juste trompé. Donc les gens. Korn avec un E à la fin. C'est comme Korn de brume. Et je m'étais fait avoir. Mais sur les trousses aussi, moi je marquais beaucoup Metallica. Et moi j'avais essayé de marquer Metallica sur ma trousse, mais en fait en commençant sans commencer par le M et le A, donc j'avais fait Metallica et le A était un petit peu en dessous. Ça se voyait quand même. Ça se voyait que c'était Metallica. Et Léonore, toi tu faisais ouais, ça moi aussi. Moi je faisais ça sur mon e-spack, Led Zepp. Offspring, je dessinais, je mettais des calques, enfin je dessine très mal, donc je calquais les pochettes d'albums d'Offspring. Ah oui, t'avais fait la tête de mort avec les flammes. C'est le petit corbeau là. Ah putain, je l'ai pas. Mais j'avais la tête en flamme. Offspring, ah ouais. Pour moi, c'était ça surtout. Ah oui, mais alors moi, non, j'avais le petit corbeau. T'avais le petit corbeau. Mais oui, ouais. Tête en flamme. On dirait vraiment une moquerie du Moyen-Âge. Ah, dis donc, tête en flamme. Ah ben non, on le dit pas assez souvent, je trouve, dans cette émission. Mais tu étais un pur ardos quand tu étais jeune. Oui, mais bizarrement, j'avais pas trop. T'avais la veste en jean avec les. Ouais, les, ça les, j'avais. Ouais. Les j'avais. Trucs, ouais, en les fait, j'avais une frange. En fait, comme j'étais en transition, je sortais du CM2, j'arrivais en 6e, donc j'étais un peu en transition, genre enfant ado, quoi. Et donc j'avais une frange, la frange de ma coupée par ma mère devant, et une nuque longue de ardos derrière, quoi. Et j'avais frange devant, frange derrière. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et j'avais un t-shirt, j'ai une photo de classe où j'ai cette coupe-là et un t-shirt sans manches Iron Maiden, live After Death. Oh. J'ai même une photo où je suis en train de faire de la balançoire debout. je suis debout sur une balançoire comme ça et j'ai le t-shirt Iron Maiden. Tu l'avais pas partagé cette photo? Si, si, mais elle est sur mon Insta, je crois. C'est pour ça, ça me dit. Ouais, ouais, elle est sur mon Insta. Pardon, je change de sujet, mais l'âge dont tu parles, du passage de CM2 au 6ème, ça. Et tout à l'heure, tu parlais de Seth Rogen ou pas? Ou j'ai rêvé que tu parlais de Seth Rogen? T'as grave rêvé. Je ressemble un peu à Seth Rogen. J'ai vu un film il y a pas longtemps qui s'appelle Good Boys. Ah oui, super film. Oh là là là là, mais c'est un teen movie sur des pré-ados qui sont en CM2 et qui rêvent d'être des ados. Et alors j'ai trouvé ça, mais vraiment j'ai énormément rigolé. Ouais, c'est et c'est assez Good Boys. Ouais. Et c'est assez moderne en plus que ça se passe vraiment de nos jours. Il y a des trucs avec des Peut-on drones. Tu l'as trouvé sur Netflix? Je ne crois non, pas sur Netflix. VOD, mais ouais. Il y a TikTok? Il y a pas TikTok. C'est sur TikTok. Je l'ai loué sur TikTok. Vous êtes des sacrés TikTok boys. Et moi sinon sur mon sac j'avais un patch. Juste un. De patchy de la Starac. J'avais un patch avec une croix gammée barrée quoi. Pas mal. J'avais acheté au puce hein. Et là, faut vraiment non, faire un... le trait qui barre plus gros que la croix gammée. Non, attends, sinon, bah, surtout la croix gammée. Je l'avais, bah, justement, moi j'avais une prof qui avait dit oh, ça me choque un peu de voir une croix gammée. Oui, j'avais ça, ouais. T'as Hitler, il devait avoir bien les glandes. Ah, ouais, de il la était bien garde. Cassé, ouais. Ah, c'est fou. Et c'était, mais je l'avais acheté au puce et tout, c'était un truc rond, comme un panneau interdit de stationner ou un truc comme ça, mais ça a une croix gammée quoi. Interdit aux nazis de stationner, c'était un vrai panneau à l'époque. Aux nazis de toucher mon sac, ok. Attraction de gammer les croix. Eh, tu gammes ta croix, toi? Arrête de gammer cette croix. Non, je me suis déjà demandé si gammer c'est un verbe. Quand elle est gammée, elle est gammée. Ah, c'est une croix. Mais est-ce qu'on peut gammer quelque chose? Mais gammer c'est quoi? Ce serait casser les bords? Casser les chercher, bouts. Je vais chercher. Mais gammer quelque chose. On recherche actuellement sur internet. Bien tu reviens vers nous très très vite. Oui, bien sûr. J'enchaîne en me laissant aller d'ailleurs dans les liens URL du web. Je suis tombé sur un article intitulé Top 5 des pires objets vendus aux enchères ayant appartenu à des rockstars. C'est Rock'n'Fall qui a fait ça. À votre avis, parmi tous ces objets, il y en a un qui appartient à Elvis, qui a été mis aux enchères à 8 700 €, mais qui n'a pas du tout été vendu. À votre avis, quel est cet objet? Merde, du coup, j'ai pas. Est-ce que tu peux répéter? Pardon. Bien sûr. Non, du coup, non. Okay. Je disais, il y a eu le top 5 des objets vendus aux enchères ayant appartenu à des rockstars, les pires objets. Ok. Parmi eux, il y a un objet ayant appartenu à Elvis, qui a été mis aux enchères 8 700 €. Et la petite subtilité, c'est que personne ne l'a acheté. Un balai à son slope. Pas un balai à chiottes. Putain, mais très bonne réponse. Ah ouais. Slip. Alors un slip, mais pas n'importe quel slip. Celui-là, il est mort dedans. Ah oui. Non, il était aux chiottes. Enfin, il était assis sur les chiottes, donc ça se trouve, il avait un peu chié dans son ben avant. Non. Ouais. Et c'est la trace de merde de Elvis Presley. Bah, ça, en vrai, je pense que elle y est. Je pense qu'elle elle partait à 1 million. Obligé. Ouais. Moi, j'achète direct. L'ADN d'Elvis. Non. Alors, vous plaisantez, mais apparemment, non. C'est un slip sale qui a été porté au concert d'Elvis Presley l'année de sa mort. Ah, qui a été porté à un concert d'Elvis, mais pas par Elvis, par un gars, juste un gars. Pour posséder ce vieux slip difforme et taché des flûtes du King, il fallait payer 8 700 €, mais malgré un certain intérêt de la part des collectionneurs, l'objet n'a pas trouvé preneur. Je suis étonné que personne ne l'ait acheté. Ouais, pareil, ouais, bah si, c'est fou. Y a même moi, en train de se dire, mais attends, mais c'est que dalle. 8 700 balles à ce bar. Et on met 2000 chacun, on se partage, franchement. Ouais, attends, mais... bah, il est toujours en vente, cela dit, a priori. Visiblement, oui. Alors, il y a dans le top 5. On peut lancer un Kickstarter. Ouais, c'est ça. Puis on le partage avec les gens, on le découpe en plein de petits trucs. Il y avait plein d'objets dans le top 5. Il y avait des mèches de cheveux de Kurt Cobain, bon, qui pour le coup ont été vendues. Il y a eu la radio des poumons de Marilyn Monroe. Voilà, qui n'est pas vraiment une rockstar, mais c'est dans le top de Rock'n'Folk. Vous verrez avec Rock'n'Folk, hein, moi j'ai pas. C'est pas moi qui fais l'article, hein, franchement. Un tableau peint d'Amy Winehouse avec son propre sang, une ambiance, qui a été vendu 43 000 €. Et. Celui-là me fait un peu rire, mais il était introuvable. La molaire de John Lennon. La molaire de... C'est introuvable, cette molaire de John Lennon. John Lennon a offert sa molaire à sa logeuse lorsque le chef des Fab Four, c'est ton pote qui a dû l'appeler comme ça, habitait à Weybridge, au sud-ouest de Londres, bien qu'à ce jour, aucun test ADN n'a été réalisé. C'est un dentiste canadien qui a remporté cette enchère après avoir dépensé 25 000 €. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la preuve que c'est la dent de John Lennon. Mais c'est un dentiste qui l'a acheté. Ouais, ah, c'est un dentiste qui a acheté la molaire. C'est exactement. Ah, c'est joli dans un petit cabinet. Pour le médecin. Bah ouais, c'est quoi là-bas? Excusez-moi, c'est quoi là-bas? Ah, ça, c'est la dent de John Lennon. John Lennon. Okay. Mais on n'a aucune preuve que ce soit la sienne. Aucune. Vous pourriez vous acheter un objet collector qui appartenait à un artiste que vous aimez? Est-ce que vous l'avez peut-être même déjà fait? Jamais. Non. Je l'ai pas fait, mais moi, même un autographe, je ne comprends pas. Mais ce serait mon genre. Ouais, c'est pas moi, ce serait mon genre. Toi, tu pourrais. Ouais, bah disons, non. Oui, tu m'étonnes. Je l'achèterais pas, mais je suis un peu obsessionnel, moi, sur certains artistes. Donc, mais c'est rigolo, parce que toi, Eleonore, tu dis que tu ferais même pas d'autographe, quoi. Non. Toi, c'est un truc qui t'intéresse pas. J'ai jamais compris. Même les selfies. Un Marcel de Freddie Mercury, tu l'achètes pas, peut-être? Attends, mais grave, mais je me suis dans mon livre, il y a une photo de moi à côté du pantalon de Freddie Mercury. Bah, je sais pas, tu me l'as pas envoyé ton livre. Donc. Bah, ouais, bah, gros, passe-le-moi, je l'envoie tout de suite. Je te l'envoie. Mais attends, tu sais pourquoi? En plus, j'ai pas. En fait, quand tu sors un livre, t'en as pas autant que tu veux à envoyer. C'est vrai. Et en fait, j'ai tilt. Je me suis dit, ah, faut que j'envoie à Flaubert, parce qu'en fait, je me souviens que j'ai parlé des New Pornographers une dernière bien fois, sûr. Et tu m'as envoyé un texto en me disant, putain, j'écoute les New Pornographers, c'est hyper bien. Et je me suis dit, ah, bah, voilà quelqu'un qui écoute mes conseils. Lui, il écoute mes conseils Zik. Mes conseils bonnes Zik. Et d'ailleurs, après et donc, bouquin, j'ai lu j'ai écouté The Cult. Ah, c'est vrai, c'est vachement bien. Blue Oyster bah, Cult. Ouais. Non, c'est un autre cult. Mais ouais, ben bah non, mais donc du coup, je raconte un peu mon. Bah, si, des autographes et tout. Moi, j'ai demandé, je me suis fait dédicacer des disques à des chanteurs que j'adore. Non, mais je comprends. Mais maintenant aussi, tu le ferais. Maintenant que t'es connu. Non, ouais, non, je l'ai pas fait depuis très longtemps. Oui, ouais, voilà, moi je l'ai fait, mon premier tournage avec Romain Duris, j'avais 16 ans, je l'ai fait. Allez. Mais tu te souviens cette photo ridicule? Non, je me souviens non, pas, mais j'ai hâte bon, de la voir. Voilà, mais parce que 16 ans. Romain Duris. Romain Duris, et, je sais pas, j'imaginais que c'était les choses qui se faisaient. Ouais. Mais non, je vois pas, enfin, je comprends très très bien qu'on puisse le faire. Mais Dingo ça... à Disneyland, tu lui as pas demandé un autographe. Moi j'ai la phobie de Disneyland, j'y suis allée une fois et j'ai fait une crise d'angoisse. Aurélien, toi tu pourrais? Parce qu'on a vu un certain fanatisme avec Hélène et les garçons quand même. T'as été jusqu'à les rencontrer. Ouais, mais. Dans le cadre d'une vidéo. Bon, voilà, dans le cadre d'une moi. Vidéo quoi. Dans t'es le cadre d'une lit. Vidéo. Juste les voir comme ça pour les voir. Ouais. C'est, enfin, j'avais envie de faire quelque chose avec eux quoi. C'est plus ça en fait, les gens que t'admires. Au pire, tu oui, te dis. T'as envie de faire des trucs avec eux. Ouais, que... t'as envie de travailler avec eux ou en effet de. Ou d'avoir une discussion. Oui. Mais un autographe, bon, qu'est-ce que... Cela dit, moi j'ai déjà, alors j'ai pas des milliards de fans, mais il y a quelqu'un qui est déjà venu me voir à une séance de dédicace, qui est venu me voir et qui a dit j'ai rien à dédicacer, je veux juste parler. Mais moi et aussi. Et du coup, c'est très gênant parce que là, vraiment, tu fais bah je ne sais pas quoi te ou dire. Je veux ouais, juste, je veux Sophie, juste y a 40, il y a 40 personnes qui attendent derrière toi, donc parle vite. Ouais. Okay. Vite des sujets. Ouais, trouve un sujet, ce qui pose-moi trois questions et on en fait. Ça va? Ça va? Elle fait bah oui, ça va, ça va. Tu t'es jamais rien fait dédicacer, par exemple, Aurélien? Bah si par le casting d'Hélène et les garçons là quand j'ai tourné avec bien sûr. Mais sinon non je crois pas hein. Et fait partie d'un fan club? Non, même pas. Non. Putain, mais je suis désolé là, je suis en gueule de bois. Je suis Gros porc. Ouais, toi, Florent, t'achèterais des trucs. Ouais. Ouais, ouais, toi, moi, il y a des trucs devant nous. J'ai acheté alors moi j'ai acheté le carnet de blagues qu'à Seth Rogen. C'est peut-être pour ça que t'as pensé à Seth Rogen, ce qu'il est là. Parce que c'est marqué là, 16 jokes. 16 jokes, et en fait, peut-être c'est le carnet de blagues de Seth Rogen ah dans oui, le film Funny People. Alors, ça, c'est pas j'adore. Pareil, parce que comment je trouve tu, que. Tu as acheté ça aux enchères? Bah, pas aux enchères, parce qu'en fait, il. Tout le monde s'en fout, donc ils le vendent au Lidl. Lidl. Yes. Non, mais ça, je trouve que c'est différent. Parce que ça, alors pareil, j'ai acheté des écrits de Balzac qui dataient. Alors ça, même. Oui, ça m'intéresse. Il l'a dédicacé ou pas? Ça m'intéresse. Bah, c'est sa plume. Ah, c'est le film. Non, mais alors, ça, pour le coup, ça m'intéresse. L'objet, et puis historique, en fait. Ouais. Et je trouve que, par exemple, ça, c'est très. C'est beau. Ça, et oui, bah, moi, c'est il y a ça. Quelque chose de. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence pour moi. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas. C'est parce que c'est pareil. Je sais pas. Moi, je vois pas grande différence. C'est ouais. Un peu le même. C'est du fétichisme en fait. Ah bah, oui, voilà, oui, en réalité, il y a un truc de fétichisme. C'est vrai que c'est la même démarche. En fait. Mais ça, c'était un truc de. C'est le juste carnet. Tu te la racontes parce que c'est Balzac, mais c'est la même merde. Hein. Mais non, parce que. Et dit de Préto ou Balzac, c'est pas, pareil. Oui, mais hein. Tu peux pas aller voir Balzac et lui demander un autographe, tu vois. Et donc, t'as acheté un truc. C'est quoi que t'as acheté de Balzac? J'ai acheté une. Le slip. Un autographe de Michel alors. Un brouillon de. Du Bergorio. Non, même pas vraiment un écrit qui avait été retrouvé. Raturé, et d'ailleurs, nul. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai trouvé ça en brocante, mais c'est marrant parce qu'au final, ça se trouve, c'est pas lui. Pas vrai, ouais. Oui, c'est oui, comme c'est... la molaire. Ah, oui. Tu c'est vois. Le vendeur qui t'a dit à côté de son vieux qui est. En voilà le carnet, c'est Balzac. Qu'est-ce que s'est passé là? Elle a ri. Elle a ri. Elle a ri. C'est son rire. L'agression d'Yen. C'est le rire d'Elona. Pardon, oh là là. Mais non, c'était un stand sur les quais, tu sais. Le mec qui vend le Tintin, l'île noire. Ah bah celui-là 200 euros. Parce que celui-là c'est le Capitaine Haddock qui bon, l'a donné. Bon, c'était il y a longtemps. Mais néanmoins c'est un bel objet. C'est un très bel objet. Parce que je parlais des fan clubs. Parce que toi Thomas aussi t'en parles dans ton bouquin. T'as fait partie du fan club de Queen. Ah ouais, moi j'ai fait partie de plein de fan clubs. C'est ça. Ouais, c'est... Ouais. Moi j'ai l'impression que c'était juste la mode des fan clubs. Tu sais, l'arrivée d'Internet, j'ai l'impression que ça commençait à être la fin un peu des. Bah, des Internet, je pense, a dû signer la fin de ce genre de truc. Ouais. Même ouais. Sinon, ça existe. Regarde, tu vois, le Comic-Con. Ouais. C'est un peu. C'est une autre façon qu'ont les fans de certaines cultures, de certains artistes et tout se rassembler. Ou Video City. Oui. Video City. C'est le truc des YouTubeurs. Un truc terrible. Qui ne doit plus exister d'ailleurs. Et du coup, et donc j'ai monté même un fan club moi. Bah c'est oui. Vrai. Comme alors, je le dis, le fan club de Korn. C'est ça. Patrick Beau nous en a un peu parlé dans le dernier, enfin dans il y a 3 épisodes maintenant. Mais tu as monté le fan club de Korn qui n'existait pas quand tu. Qui n'existait pas. Fan club français de Korn. Fan club français, bien sûr. C'est vraiment et la division France. Les Cornillacs. mon père allait les appeler les Corniaux. Quand les mecs appelaient à la maison. Des fois, les mecs, ils appelaient chez mes parents. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient tomber, tu vois, sur un bureau où ça, c'était que des fax sur corps. Et c'est mon père qui décrochait. Allô. Et donc, les gens étaient là. Ouais, bonjour, c'est pour Korn. Et là, mon père m'appelait. Il était là. Jojo, un Cornio. Et donc, le mec entendait ça quand il téléphonait. T'es il y a pas mère, Jojo, ton quoi Jojo, Jojo ouais. Parce que j'ai des deux frères. Je me suis toujours fait appeler Jojo par mon père. Ah, c'est tout marrant. Jojo. C'est marrant. Ouais, c'est Jojo. Marrant. Moi, je me faisais appeler Titi. Il vous mélangeait quoi. Titi. Titi, alors que rien à voir. Rien à voir. Titi et Jojo. Titi et Jojo. Faut le faire ce dessin animé, Titi et Jojo. Et Léonore, pas de fan club, à part Balzac, bien sûr. Le fan club de Balzac. Non, mais moi j'étais très fan de. Enfin, je suis très fan de Queen, mais après, j'ai un truc de. Je suis très fan de la musique, mais par exemple, la vie privée ne m'a jamais. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est la carrière, c'est comment. Voilà, je trouve ça fascinant, mais en revanche, j'ai jamais été fan au point de vouloir connaître. Mais les deux s'entremêlent quand même souvent. Là. Si tu t'intéresses souvent, c'est bien, d'ailleurs, ouais, mais... pas chercher à connaître. C'est vrai, ouais. Non, mais ça dépend. Mais après, non, moi j'étais par exemple, moi c'est les disques beaucoup, les éditions rares et tout. J'ai beaucoup acheté des disques un peu, tu vois, des 45 tours. Parce qu'en fait, je collectionne tous les 45 tours des groupes que j'aime qui ont des pochettes différentes. Donc, d'accord. Tu vois, par exemple, Queen, Bohemian Rhapsody, par exemple, il est sorti avec, dans le monde, avec peut-être 20 pochettes différentes. Et donc, c'est pareil pour plein de leurs singles. Ouais, mais ça, je trouve ça trop cool parce que je trouve que c'est encore une fois, c'est un bel objet et tout, tu vois. Ouais, voilà, moi c'est un peu. Mais dans le fan club de Korn, par exemple, vous parliez de l'actualité de Korn, parce que la vie privée de Korn, on en. Je parlais tout seul. Dans votre rédaction. Je m'adressais la parole à moi-même. Bon alors, Korn. Avec des stores et des clubs. Attends, mais les gens qui appelaient chez toi, ils disaient quoi après, quand ils te passaient le téléphone, ton père? Parce que moi, si j'appelais. Que disait Jojo? Bah, il me disait allô. Alors, il y avait un mec qui m'appelait tout le temps. Il m'appelait genre, mais deux fois par semaine. Pour voir si j'avais des nouvelles sur Korn. Et moi, tu vois, j'avais c'est aucune génial. Nouvelle. Moi, j'étais c'est à Beaumont-en-Veyron, en Indre-et-Loire. Alors, je veux dire, il n'y a pas Internet, il fallait que le courrier arrive jusque là-bas. Et donc, il y a un mec, je me souviens, il s'appelait Edwin. Oh, et Edwin de Préto. Et le mec était lent. Vraiment, quand il m'appelait, il était allô, c'est Edwin. T'as les nouvelles de Jonathan ou pas? Et donc, le mec vraiment sentait qu'il était au bout du rouleau. Et vraiment, c'était essentiel pour lui d'avoir des nouvelles de Jonathan Davis, le chanteur de Korn, évidemment. Et moi, j'en avais pas. Et donc, t'inventais rien, t'inventais pas pour lui faire plaisir des trucs. Non, mais j'ai fait des trucs un peu. Parce que t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, je sais pas, 16-17 ans. C'est ça, voilà. T'as non. fait des trucs t'as mais dit... non, mais en fait. Qui sont pas dans le bouquin. Attention. On peut tout couper. Il hein. y a un mec quand j'habitais à Tours. Qui du coup j'avais monté ce fan club et j'allais toujours chez un pote qui était disquaire et là-dedans il y avait un mec qui venait qui avait 15 ans qui était là oh putain et donc il savait que des fois j'avais rencontré les mecs de Korn donc je dis incroyable c'est pas non t'as rencontré les mecs de Korn et donc le mec était super speed et Deftones t'aimes Deftones oh là là t'as l'album comme les miens Deftones donc le mec vraiment il était j'étais en surexcitation constante et je lui avais dit un jour que j'allais rencontrer un groupe et qui était un groupe qui s'appelait Clawfinger oui bien sûr et donc était un groupe de métal suédois ouais. Et le mec il m'a dit oh, tu peux me faire un autographe. Et donc je lui ai dit ouais si tu veux. Oh putain je vois venir. Et donc en fait en revenant je me dis merde j'ai complètement. Oh là là là là. Et donc j'ai... bah non mais qu'est-ce que tu veux bah, ça y a fait plaisir. Sauf s'il écoute le podcast. Là j'avoue qu'il se dit ça tombe il se branle sur son autographe de Clawfinger depuis 20 ans. Et tu vas filer un slip à toi en lui disant c'est son slip. Bah ouais mais attends mais non mais en fait c'est mon pote disquaire il a pris il me dit je dis putain j'ai oublié l'autographe de Clawfinger. Et mon pote disquaire il prend un disque il prend le premier titre de la chanson la première chanson du CD qui s'appelait Walk the Same Line. Je sais même plus ce que c'était. Et donc il fait une dédicace comme ça, il marque Walk the same line. Et c'est une Clawfinger. Et donc le mec, on y a donné l'autographe. Et après, je le recroise dans la rue, il me fait oh, merci pour l'autographe, Clawfinger. Walk the same line. C'est long. Walk the same line. Désolé, Nono, si tu nous écoutes. Il s'appelait Nono. Nono. Oh, donc là. Jojo, Nono, c'est qu'est-ce que c'est Jojo, Titi et Nono. Jojo, Titi et Nono. Des aventures chez Titi et Nono. Faut que ça se promène, on marche sur la verte pâturage. Je pense qu'on court sur des verts pâturages. Tom Sawyer. Titi et Nono. Bah, c'est Tom Sawyer en fait. Parce que dans le bouquin, c'est marrant, tu racontes que t'étais carrément, tu parlais avec la maison de disques en fait. Oui. À quel moment, moi, c'est parce que t'en parles pas dans le bouquin, Toto. Mais à quel moment. Toto de la maison de disques. À quel moment tu leur dis, bon en fait. j'arrête parce que le fan club de Korn. Ouais, parce que mais en fait ce qui est ouf, ça c'est une histoire hallucinante, c'est qu'en fait à un moment j'ai créé ce fan club et puis très vite je suis embauché dans un magazine qui s'appelle Roxanne en tant que journaliste. Donc là j'ai plus du tout le temps de m'occuper du fan club, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des courriers et ça grossit quand des chèques de 15 francs parce que c'était 15 francs l'abonnement pour le magazine. Et donc des fois j'avais trois, donc c'est vraiment j'étais à Découvert quand j'étais étudiant et j'allais voir ma banquière, j'étais là ouais OK je suis à Découvert mais là je vous remets trois chèques de 15 francs. Et donc du coup j'étais à 3000 francs de Découvert, je mettais 45 francs régulièrement. Et donc à un moment j'ai plus du tout les moyens de m'en occuper et il y a un mec qui est d'Orléans qui s'appelle Sébastien Paquet qui m'appelle en me disant écoute, je sais que t'as abandonné le fan club de Caen, moi j'aimerais le reprendre. Et le mec, je lui dis bah, je veux bien mais je t'envoie des sacs de courriers en retard. Ouais. Il me dit pas de problème, je reprends tout depuis le début. Écoute bien, le mec, je lui envoie les courriers, il édite un premier magazine de fan club par lui-même parce que le mec est beaucoup plus talentueux que moi pour gérer un traitement de texte et tout, moi je sais pas du tout faire ça. Et du coup, ce mec, très vite, grosso modo, il a le même parcours que moi, sauf qu'au lieu d'arriver dans un magazine comme moi, c'est le cas, lui, il arrive chez Sony, qui est le label de Korn en France. Il se fait embaucher chez Sony, il se fait embaucher à l'internet chez Sony, et puis les mecs de Korn déboulent régulièrement chez Sony, il les rencontre. 2 ans plus tard, il va habiter aux États-Unis à Los Angeles, et depuis 10 ans, c'est l'assistant personnel de Korn. Oh, ah, très belle histoire. Ouf. Très belle histoire. Ouais. Ouais. Bah le mec a de la suite dans les idées quoi. Ah ouais, grave. Attends. Vraiment, à chaque fois je pense à lui, je suis complètement bluffé. Parce que ouais, Korn ça avait pris enfin méga de la place en France, c'était la grosse mode du néo-métal et tout. Voilà, alors donc bah maintenant c'est je suis ça fait je t'avoue que je suis plus trop depuis un moment. Hein, oui, j'imagine. C'était Korn. mais ce mec, tu vois, il est remercié dans tous les albums de Korn, c'est lui qui gère toute la com de Korn, qui fait toutes les photos sur les albums, il a fait des clips pour eux, enfin c'est hallucinant. C'est ouf. Ah ouais. Ce mec à qui j'ai mis le pied à l'étrier, mais je pensais pas que c'est un étrier qui était aussi haut quoi. Non, c'est un étrier très haut. Et le trio. Oh, c'est sûr aussi. L'affaire Louis, les trios. Dans le bouquin, tu parles aussi de monter un groupe de rock. Éléonore, toi, comment t'as monté ton. La première fois que tu t'es dit je vais jouer, parce que tu es comédienne, tu es réalisatrice, scénariste, mais tu fais de la musique également. Est-ce que t'as eu un premier groupe de rock? Comment je pense t'as qu'on commencé? Peut l'appeler Lolo quand même. On peut l'appeler Lolo. Bah c'est oui, vrai, coup, vrai que ce serait trop cool. Ouais, parce que même dans le texto, là, tu dis Éléonore, je suis désolée, mais tu peux pas amener ton chien. Et moi, je vois que Éléonore, je suis désolée. C'est vraiment les trucs que. Que me disent mes parents. Quoi. Ah, non, je suis pas ton père. Ouais. Non. Okay. Mais la première fois que t'as monté un groupe avec quelqu'un. Et bah, c'était à 16 ans et c'était j'étais dans un petit village du 95 et c'était des darons d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui. Parce que moi, je faisais du blues en fait. D'accord. Et du rock. Et du coup, moi, je trouvais que. Tu viens du blues à la fin. À la base, tu viens du blues, toi. Ouais, j'ai du blues. Depuis que je la connais, je me dis, elle, c'est Nalak. Enfin, toute la musique qu'elle aime, en tout cas. Ouais, c'est Et du coup, j'avais du mal à trouver des gens de mon âge. En fait, ils étaient très Metallica et tout, j'adorais. Mais moi, mon délire, c'est vraiment faire des solos de blues et tout. Donc, j'ai trouvé ces gens-là. Et en fait, c'était ça mon premier groupe, c'était avec des darons de 50, une cinquantaine d'années. Quoi. Et toi, tu chantais ce pige. Tu faisais quoi? Tu chantais? Ouais, ou alors je chantais, je faisais surtout beaucoup de guitare et de solo. Quoi. Je faisais I Love Rock'n'Roll, mais on faisait des reprises, tu vois. Okay. Mais on faisait aussi des trucs de blues, du Stevie Ray Vaughan, du Jimi Hendrix, des trucs que eux, ils avaient une culture musicale incroyable. Et d'ailleurs, j'ai jamais autant progressé. Je faisais des cours à 16 ans au conservatoire et je progressais beaucoup plus avec eux. Et t'as pas eu de groupe après avec des gens de ton âge ou bah des après trucs... si j'ai eu le groupe avec ma sœur. Oui voilà c'est ça, les sœurs Cost. Mais non, on avait essayé un groupe avec Aude Gonigoubert où pareil j'étais ouais, j'étais surréaliste ce truc, on a fait une répète une fois et mais Aude faisait quoi aussi l'actrice? Non c'était des reprises, alors il y avait tout, il y avait du Amy Winehouse et Aude a chanté Winehouse en fait... j'ai pas rien dit c'est Laurent non, mais non, c'est bien. Laurent Delahousse c'est le nom, c'est Laurent Delahousse. Mais non, moi c'était mon rêve d'avoir un groupe, mais c'est compliqué quand t'es une fille et que tu veux être guitariste dans un groupe, je pense aujourd'hui moins, mais à l'époque c'était quand même très masculin oui, comme milieu. Oui, c'est plus la chanteuse quoi. Ouais. Milieu du blues, tu veux dire. Et dans le milieu du rock, et je me souviens, j'arrivais à Pigalle, tu vois, quand je m'achetais mes premières grattes ou que je voulais en essayer, t'avais toujours ce. Avant de que je joue, il y avait quand même le truc de. On va pas lui mettre quand même cette Gibson entre les mains parce que. Ah ouais, ouais y avait... Non, mais il y avait un truc de. Elle saura pas lui rendre. Il y avait quand même, je trouve, beaucoup de sexisme à l'époque. Je pense que moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de filles qui jouent de la guitare électrique. Mais c'était assez fermé, donc c'était difficile de trouver un groupe. Enfin, si, j'ai eu un groupe féminin pour une série qui ne s'est jamais fait, mais c'était, voilà, c'était cantonné. Et il fallait que je sois la guitariste sexy. Ah oui. Avec la petite jupe écossaise, le décolleté, voilà, sympa. C'était pas... Sympa. Elle est en train de chialer, hein. Là on parle, mais elle chiale. Hein, je vous dis tout de suite. Aurélien, alors peut-être pas un groupe de rock, mais est-ce que t'avais cette espèce de. T'as rappé déjà. Moi, faut pas me poser des questions. Faut le laisser aujourd'hui, Aurélien. Tu sais quoi, tu lèves la main quand t'as un truc à dire. C'était quoi ta question? Est-ce que j'ai pas eu de groupe de rock? Non, mais est-ce que t'as fait partie d'un groupe? T'as rappé. De théâtre, de rap? Est-ce que t'as fait partie d'un groupe adolescent? Les gars en t-shirt. Parce que les gars en t-shirt, mais t'étais déjà un peu plus vieux. Exactement. Est-ce que avant ça, t'as trouvé? Parce qu'on parle de groupe de rock, mais je parle d'une espèce d'activité que tu fais avec des gens du rap. À côté de l'école, comme du hip-hop, du rap, un club de karaté. Comme monter un club de karaté avec des avirons, on dit quelque chose, un sport. Vraiment, on a élargi. Ouais. Au théâtre, on sentait que t'étais en galère. On veut que tu parles. Sinon, t'as fait quoi depuis ce matin? Dis un truc, quoi, bordel. J'ai gerbé la matinée. Ah, vraiment? C'est ça, en fait, tu t'es mis une grosse caisse hier. Ouais. Ah ouais, c'est ça cette odeur aussi. T'as fait du théâtre? Non, j'ai fait du théâtre au lycée, enfin à côté du lycée, sinon ça répondait parce que t'as dit extrascolaire. Heureusement que c'était au lycée, sinon je répondais à côté. C'était pas au lycée. Ouais. J'ai fait ça et c'est tout. Sinon, mais théâtre moderne ou théâtre genre tu jouais Molière? Fragile. C'était de l'impro, mais à la fin de l'année quand même on montait un petit truc parce qu'ils allaient pas nous faire un spectacle d'impro non plus. Ouais. Donc on jouait des petites scénettes, genre Antigone, ce genre de trucs quoi. Oh, sympa. Des petites scénettes. C'est genre Antigone, des petites scénettes d'Antigone, des extraits, des petits sketchs, des petits voilà. Et Antigone, regarde, Antigone, elle a pété. Mais des impros, c'était quoi comme exercice d'impro? Genre c'était le truc genre faut jouer une banane ou un truc comme ça ou genre alors t'étais un boulanger? On s'épelle ici. Bon, les trucs classiques quoi. Moi je suis très bon en impro. High five. Non mais c'était un truc genre, alors t'es un boulanger et t'es très énervé parce que y a plus de pain. Tu sais, c'était il y a 45 ans, hein, je m'en rappelle plus. Hein. Tu te rappelles plus d'hier déjà. Voilà, c'est ça. Adrien, toi t'avais un truc comme ça? Des potes avec des potes en extrascolaire? Avec des potes, non. Parce que Arnaud, mais pas musicien toi pour le coup. Pas musicien, je joue du ukulélé mais depuis... Si ta petite machine. Ah bon, ouais, oh bah non, maman. Depuis 15 ans, machine que t'as pu. Bah tu sais comment ça s'appelle toi? Je sais pas du tout. De quoi, voilà. Mais oui, machine, tu fais des boutons là. Petits synthés quoi. Oui, des petits synthés. On va dire. Non mais oui, je fais de la musique mais c'est depuis très récemment que je fais, que je m'intéresse. Mais non, quand j'étais petit, pas de groupe, machin. En revanche, j'avais retrouvé chez ma mère il y a longtemps un flyer que j'avais fait à la main, et c'était en fait je faisais des sketchs en primaire dans la cour de récré. Alors j'ai pas fait ça très longtemps. Donc hein. C'était ton premier one man show dans la cour de récré? Ah, c'était pas one man show parce que j'étais plus metteur en scène du truc, parce qu'on était plusieurs, tu vois. One récré show. Mais genre il y avait avec un ou deux potes, on faisait des sketchs, ça s'appelait l'étolard d'Adrien Méniel, parce que quand même un ego déjà. Et c'est genre venez voir l'étolard d'Adrien, c'était des mecs en prison et puis il y avait des gags quoi, oui, tu vois. D'accord. Et donc et j'avais fait des petits flyers que je donnais genre venez voir l'étolard, genre ils sont une récré de 10 minutes, tu vois. Ah ouais, donc c'est un spectacle qui durait le temps de la récré, quoi. Bah ouais, mais en vrai, j'ai même pas souvenir d'avoir fait plus d'une fois ce truc. Je pense que je me suis enflammé, genre putain, je vais faire des flyers. Ouais. Puis en fait, bah. C'est pour ça que j'en ai retrouvé, parce que des flyers, parce qu'en fait, j'en ai distribué. Et c'était en quelle classe ça? Oh, je sais pas, CE1, CE2. C'est déjà fou que tu fasses tes propres sketchs en CE1, CE2. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petit. T'es un génie. Non, t'es un génie, mais t'es un zèbre. Je crois que t'es un zèbre. Je suis un zèbre, le mauvais zèbre. Ouais, t'étais surdoué. Ouais, trop intelligent pour être heureux. C'est ça, HPI. Ouais. HPI et hypersensible. Hypersensible aussi. Mais du coup, très fort. Mais parce que moi je faisais des petits sketchs à l'école, mais je refaisais les Nous c'est nous, je refaisais ah ouais, non, les Robin des Bois. Création originale. Création originale. Mais non, pas Adrien Méniel. Non mais j'aurais bien voulu le conserver ce truc, ce flyer, ce petit flyer. Drôle quand même. Bah, un vestige du passé que t'aurais pu vendre très cher comme j'ai acheté à Seth Rogen. Pas mon slip peut-être, mais. Moi j'étais donc je parle pas de ça dans le livre, mais en fait je parle des fiches de Monsieur Cinéma que je collectionnais quand j'étais gamin, les fiches de Pierre Tchernia, c'est qui étaient des fiches de casting de films avec des photos de films et tout. Mmh. Et comme je m'étais dit mais moi je suis fan de cinéma moi, mais genre quand j'étais pareil en CM2 CM1 à peu près, CM1 CM2, j'ai allé à la bibliothèque et dans des classeurs je recopiais, je prenais des livres sur le cinéma et je les recopiais. Eh ben ouais les mecs, ça taffe, qu'est-ce que c'est, là putain, y en a qui bossent là. Et donc je recopiais le scénariste sert à écrire l'histoire et tout. Et donc ça je les ai retrouvés. Je les ai chez moi, donc j'ai gardé ça. Mais la photocopie existait à l'époque déjà. Ben ouais, mais je voulais faire ça. Non, je voulais pas que ça se divulgue trop. Vraiment les trucs, je voulais garder pour moi. Est-ce que t'as lu la photocopie tue le livre au dos du truc? Vous savez pas de ce truc? Le photocopiage. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. La photocopie tue le livre. Et moi, quand j'étais petit, je croyais que ça tuait vraiment le livre. Genre ça abîmait les pages. Un poignard. Oui, moi aussi. Jusqu'à il y a 20 secondes, moi aussi, je crois que c'était ça. Bah moi aussi. Bah en fait non, c'est ça tue le l'industrie du livre. L'industrie du livre. Ah, si tu ça tue le fait d'en vendre. On est très connectés, sauf que toi t'es en gueule de bois et moi c'est mon état naturel. C'est comme le téléchargement. Quand tu regardes un film et au début il y a écrit vous ne voleriez pas un sac à main. Ouais. Machin, tu sais, pour contre le piratage. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Ah, ça m'a toujours rendu fou de le mettre avant le film que tu viens de payer 20 balles. Ouais. Ça ouais, c'est vraiment très agaçant de dire bah mec tu m'engueules. Surtout. C'est bien oppressant. Vous ne voleriez pas une voiture. Bah si c'était si je me faisais pas griller comme quand je télécharge un film, si je le ferais carrément que ça. Si tu as vu. Si je pouvais télécharger une voiture, je le ferais quoi. Il y a pas de Adobe des voitures. Ouais. C'est là. Thomas, quand tu avais tes groupes de rock, tu te donnes des noms. Ça c'est un vrai plaisir. Jojo. Il y a eu quelques noms un peu cool. Alors moi, les noms des groupes. Ouais. Alors mais donc c'est important parce que c'est précisé dans le livre. J'ai été chanteur de deux groupes jusqu'à mes 16 ans, dont je n'ai pas, je précise, choisi les noms du groupe. Parce comme que... moi avec le jingle. Ouais, c'est ça. Donc le premier, donc j'étais parti de la Normandie pour aller habiter en Touraine, et à ce moment-là j'ai mes potes de Normandie, ils me disent attends, on commence un groupe de rock, on voulait que tu sois chanteur. J'ai dit, ouais, ils me disent qui c'est qui va être chanteur de Street Fight du coup. Ça bon bah ok. Attends, allez, c'est toi Jojo de Street Fight. Jojo de Street Fight. Jojo de Street Fight. Et donc je trouve que ça va Street Fight. Street Fight ça va. Attends oui, mais après le deuxième c'est Libido pour ma chérie. Ah non, pardon, ma chérie. Bah tu rigoles, ça marcherait trop aujourd'hui. Libido. Libido, mais je crois qu'il y a eu un autre groupe qui s'appelait Libido. Enfin, tous ces titres à la con. Ils sont séparés, ça va, on peut dire ça. Ah bon ? Non, c'est, Libido, c'est Liquido, l'autre groupe. Ah, Liquido. Qui avait vraiment joué une narcotique. C'était pas oui, mal, c'est ce vrai, c'était ouais. Il y avait bien. Des beaux morceaux. Il y avait des beaux morceaux. Tu vois, voilà, je sais qu'on est sur la même de musique. À part Narcotique, vous en connaissiez ? Un morceau qui s'appelle The Opera de Liquido, que j'adore. Ok. Qui est sur leur deuxième album, At The Rocks, je crois que s'appelle le deuxième. Je réécouterai alors. Ouais. Les gens se retournent parce que Clara vient d'ouvrir et ils savaient le bruit de la porte. Ouais. Ils étaient tous très inquiets. Ouais, tu sais, il y a des gens chez toi. Oui, moi j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'avais. Mais oui, moi, toi, j'étais un hurleur, moi. Parce qu'on avait un groupe. Toi, t'étais dans le groupe de hard Alors, pas de hard du coup, plus metal. De néo-metal. Ah, oui, parce que moi, je suis un petit peu plus jeune et ouais. C'était la grande mode de Linkin Park et Limp Bizkit. Et j'adorais ça. Et donc on rejouait des chansons. Mais t'en parles aussi toi de RATM, enfin Rage Against the Machine. Ouais. Les Rage. Les Sab. Non, donc on reprenait ces chansons là. Et les Ratm. Et nous on s'appelait Cellar Squad. Ce qui ne veut. Oh, c'est sympa. L'équipe de la cave. Avec un C ou un S? C-E-2-L-A-R. Et Squad S-Q-U-A-D. Attends, Cellar c'est pas le grenier plutôt? Cellar c'est grenier. C'est le joueur du grenier en fait. Sauf que nous on pensait que c'était cave. Ah. Voilà, comme trois merdes. Tu étais le joueur du grenier. J'étais le joueur du grenier. C'est la squad, les champions de la cuisine. Mais ça n'est pas du tout bien ça. Ah bon, on croyait depuis tout le début que c'était le champion de la cuisine. Et je n'étais pas chanteur parce que je chantais trop mal. Donc j'étais hurleur rappeur. Donc c'est pour ça que ton livre m'a fait plaisir. Est-ce que vous étiez fan? Est-ce que t'étais fan de Playmo et Enhancer alors, aussi à l'époque? Alors justement, moi non, j'ai toujours. T'étais cinglé quand même. J'étais cinglé. Ouais. Et faut foutre le haut là sur la brèche. Ouais, ouais. On est tous prêts à tirer dans le tas. Mais... Ah oui, donc t'étais fan. Ça c'était les paroles. Enhancer, ouais, mais j'ai toujours séparé Playmo de Enhancer. Ouais. Parce que Enhancer pour moi était plus roots. Alors que Playmo, ils faisaient des duos avec Indochine. Enfin, tu vois, ils étaient un peu plus. Obispo les avait invités chez Drucker. C'était une vraie histoire. C'est-à-dire que Drucker a bouffé ou a bouffé okay. Tous ensemble. Ils invitent les gens chez Drucker. Non, mais... alors que Drucker n'a jamais rien demandé. Ouvre la porte, il dit Drucker, bonjour. Je vous êtes chez moi. Oui, mais je les invite à bouffer. Il y a quoi au frigo? Bah, on va regarder. Là, c'était Pascal Obispo à la fin de Vivement Dimanche choisissait un groupe qu'il aimait bien et Playmo était venu jouer devant Drucker et moi. Jeune fan de métal, pour moi, bah, là ils avaient vendu leur âme. Non, là, enfin, c'était trop. Ouais, mais c'était Obispo quand même. C'est... ouais, c'était, bah, c'était métal. Quoi, c'était le McFly et Carlito Macron de l'époque. Et c'est ça, ça a fait la même chose. La même déception chez la jeunesse. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Une prof de yoga de 30 ans, l'âge du Christ, est accusée d'avoir provoqué un incendie géant ces derniers jours au cours d'une randonnée. Putain, je l'ai vu. Je suis désolé. Comment s'y est-elle prise selon vous? Je te laisse quelques. Si les gens arrêtaient de partager en story à juste titre tout le temps, ouais. Baptiste Lambert, espèce de ringard. Qui qui vient la semaine prochaine. Hein, Baptiste. Attends, il y a une prof de yoga qui a mis le feu, c'est ça? Elle a mis le feu en Californie. Ok. En faisant une randonnée, mais elle a brûlé du Paolo Santo ou de la sauge là, les trucs. Alors non, pas ça, mais c'est, on est dans cet esprit-là. Ouais. Et elle a foutu le feu à un incendie sans faire exprès. Elle a foutu le feu à un incendie. En faisant la danse du feu ou la nouvelle lune à la con. Non, la lune à la con, c'est le vrai nom d'ailleurs. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des cailloux, ça fait. Avec les cailloux qui se sont reflétés, ouais, la lithothérapie. Non, pas du tout. Elle a acheté un papier en feu, peut-être? Non, pas un papier en feu. Il y a le côté yoga, alors joue c'est un peu. Elle s'est immolée à côté d'une forêt. Elle a fait des mouvements tellement. Elle a fait des mouvements tellement rapides. Ou alors avec. Et c'est une personnage de dessin animé. C'est Tigre Dragon, là. Avec sa respiration, et ben ça a attisé. Ouais, elle chassait bip bip et du coup elle a foutu le feu à une forêt. Elle était en colère avec quelqu'un, elle a acheté des boules de feu avec ses yeux. Non, parce que ça c'est un rythme, mais ça peut être d'autres sinon. Mais c'est pas ça donc. Non. Okay. Non, elle a voulu. Comment vous donner un indice sans trop en dire, mais toi qui le sais, Adrien, tu dis. Bah, il y a eu une utilisation d'un truc chauffant quoi. C'est ça. Peut-être même du feu, je sais pas. On peut dire, elle a utilisé une machine. Un barbecue? Pas un barbecue. Un truc pour un Gérard. Un grill, ouais. Non, pas. Mais c'est quelque chose pour faire manger. Non, un pas se nourrir, mais plutôt un camping gaz. Non. Un bras zéro. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi, les trucs dansés dans Rocky. Quand il va parler à ses potes qui sont dans la rue encore, tu sais, les mecs qui se chauffent. Ah oui, d'accord. Les mecs qui sont froids dans la rue, ils se chauffent les mains. Je me demandais où tu en venais. Hein, mais tu sais, parce que dans Rocky, il retourne voir ses vieux copains. Bon, c'est vrai que l'exemple est un peu précis. Sinon, c'est une cheminée d'extérieur. Mais ça se pas dire Clodo. T'es cancel, mon pote. Ah bah là, Clodo, t'es ouf, toi. T'es un ouf, toi, là. Mais bon. Cancel direct des clodos. Il cancel chez les clodos, Ménia. Je suis pas loin déjà, non. Donc, oui, alors c'est, vous cherchez autour de la nourriture, c'est plutôt autour de la boisson. Oui. Quelque chose. Avec un petit café ou un petit thé. Alors, pas un petit café, pas un petit thé. Un grand café, un grand thé. Quelque chose que tu peux pas commander dans un café, hein, dans un Starbucks. Ouais. Une crêpe Suzette qu'elle a voulu flamber. Non, c'est un truc marrant. Un truc marrant. Pas une gourde. Pas une gourde. Non, mais je vais vous dire la réponse. Attendez. Qu'est-ce qui est marrant que tu peux boire et c'est marrant? Du sperme. Ah. Bah alors, on s'approche. On est proche. On s'approche. Non, mais on oui, s'approche. Oui. Ah, mais c'est marrant. Ah, genre. C'est un peu rigolo. Eh oh, t'es en train de boire ou quoi? Ah, de l'essence. Ah, mais voilà. Du pipi. Oh, c'est drôle. Oh, mais j'ai envie de me marrer. Ça y est, je me marre. Alors, elle a voulu. Mais pas n'importe quel pipi. Oui, voilà. Elle a voulu filtrer de l'urine d'ours qu'elle avait récupérée dans le lit d'une rivière. Okay. Comme dans Rocky, ça. Comme dans le 3. Mais quand est-ce que ça flambe? Attends, c'est quand oui, ça flambe. C'est ça, bah, elle a voulu filtrer en le faisant bouillir, j'imagine. Exactement. Ah, okay. Elle est, en gros, elle est arrivée près d'une carrière dans la forêt californienne. Elle s'est vue. Voilà, pardon, excusez-moi, je descends. Voilà. Elle s'est coincée dans les broussailles, elle s'est renseignée, elle a pris de l'eau. L'a mis du coup effectivement dans une carafe qu'elle a voulu filtrer avec un sachet de thé. Cette technique ne fonctionnant pas, la trentenaire a décidé de faire bouillir l'eau pour la rendre potable, mais elle a indiqué qu'elle n'y était pas parvenue, et c'est ce qui a déclenché l'incendie de forêt qui a quand même brûlé 3500 hectares et l'ours. C'est un méga feu, 3500 hectares. Ouais. Non, parce que ça, c'est les nouveaux trucs, les méga feux. Ah, c'est un vrai terme? Non. Les méga feux, c'est les feux qui fait que c'est la fin du monde bientôt là. Ah, d'accord, tu sais, cool. Mais tu sais, comme en Californie, en Australie et tout, ouais. C'est des feux. Avant, il y avait des feux, tu vois, dans le sud de la France. Là, il y a encore des feux dans le sud de la France, mais maintenant, c'est des méga feux. C'est des trucs, c'est genre ça. Le terme méga feux est c'est, utilisé. C'est dans le Digo, c'est dans le Robert. Tu peux regarder, c'est le nouveau mot. Non, je te jure, méga feux, c'est. Ça, c'est un mégazord de tous les feux, tu sais, qui s'assemblent et puis ça fait un méga feu, quoi. Ouais, c'est leur nom de groupe. C'est un bon nom de groupe, méga feux. Méga feux, un bon groupe de merde, je crois que je peux être chanteur à l'aise. Une société propose d'aider les insomniaques avec un service bien particulier, à votre avis, lequel? Les faire dormir. Alors, leur faire des petits guilis pour qu'ils s'endorment. C'est con que t'aies dit que t'étais bourré la veille parce que c'est invisible, quoi. alors, pas des petits guilis, non. Les aider à respirer. Non, pas les aider à respirer. Comme toi avec ta lampe là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as une lampe et le lampe pour respirer? Non, j'avais un truc qui projette en là. En fait, j'étais insomniaque pendant des années et du coup, j'ai tout essayé. J'avais un truc qui s'appelait Dodo. Ouais. Et en fait, bon c'est nom, un espèce de petit objet. Un pote de Thomas. Ouais, un pote de Thomas. Jojo Titi et Dodo sur la colline. Et voilà qui arrive, gai comme des pinsons. Flingué comme des pinsons. C'est un petit objet que tu déposes et en fait c'est de la cohérence cardiaque, vous connaissez tous. Ouais, ouais. En gros, tu inspires avec la rosace qui s'ouvre, tu expires et en fait ça c'est censé. Ça t'aide à respirer de façon. Okay. Bah le problème c'est que comme moi j'ai un focus sur la respiration. Enfin moi je suis obsédée par la respiration depuis le Covid. Non, ça marche pas du tout parce que moi tout ce qui me rappelle ça, ça me ah oui, ça non, marche ah, ça avait le, marché le bon sur cadeau, comme le fait que Thomas soit positif par exemple, ça te rappelle. Ça avait marché quasi, sur quasi sur Thomas. Quasi sûr, je suis pas ça marche sur plein de gens, ça avait marché sur Greg Romano, c'est lui qui me l'avait conseillé, mais ça marche sur plein de gens. Si t'es pas trop obsessionnel de trucs, ça peut marcher. Après, ouais. Ça dépend de ton stade d'insomnie, quoi. Moi, les médicaments, ça marche bien, sinon. D'accord. Okay, tu t'assommes de somnifères, ouais, ça marche. Ouais, ça fout de la tête sous un meuble. Toi, t'as bien dormi, par contre, Aurélien, cette pas trop. Pas trop. Non. Mais t'as peu dormi, en fait. Ouais, parce que je sortais une vidéo ce matin, donc du coup, mon cerveau, il voulait pas que je dorme, tu vois. Ah, il était en merde. Il voulait bien que tu te dégueules, par contre. Et bah, t'aurais dû faire dodo, la petite appli qui te fait respirer. Alors, c'est pas le service que propose la société dont je vous parle. Alors, oui, qu'est-ce que ça peut proposer? Est-ce qu'il vient te masser? Il ne te masse pas. J'ai dit déjà des petits guilis. Non, pas des petits guilis, pas de massage. C'était une société qui... Ils viennent faire de la méditation? Non, ça se passe à Hong Kong, voilà, depuis mi-octobre 2021. Est-ce qu'il y a des chats, une histoire de chats encore? Pas de chats. À Hong Kong, il y a toujours des ils chats. Ils viennent à domicile? Non, il n'y a pas de chats. Ils viennent pas à domicile. Et le service dure 5 heures. Voilà, je vous le dis quand même. Ils te regardent dormir? Non. Non, mais il y a quelqu'un qui pas... dort à côté de toi? Non. Non, mais pas mal. Il te parle pendant que tu t'endors? Pas du tout. Il vient te dire des trucs chiants pour que t'aies envie de t'endormir. Il vient te lire genre la convention européenne. Alors, non mais attendez, ça dure 5 heures. Donc cinq ça, heures. C'est que s'il y a peut-être un travail et préparatoire. C'est 5 heures au moment de l'endormissement quoi. Ah je peux pas vous dire, c'est un service qui dure 5 heures. J'ai pas de temps bossé. J'ai copié-collé un lien, c'est pas plus. Et, d'accord. Qu'est-ce qui nous fait dormir Eh ben alors, très bonne façon de penser. Ah, ils te font des tisanes pendant 5 heures. 5 heures de tisane. Avec de la pisse d'ours. Bon, je vais le dire, ils te branlent. Non. Oui, bah oui, c'est qu'est-ce qui te peut faire. Ils te branlent pendant 5 heures. Non, mais c'est t'as un forfait 5 heures. Je pense t'as mal avant de dormir. Limité, tu vois. T'as mal à la bite avant de dormir. Tu t'endors, mais avec bien mal à la bite. Bah, ils t'injectent un produit. Non, ils injectent rien. T'assommes avec une grosse massue. Un gros gourdin. 5 heures de coup de gourdin. Ils te chantent des trucs? Alors, pas chanter, mais par exemple. C'est de la ASMR? Non, dans la vie de tous les jours. Par exemple, est-ce que des fois on s'endort comment? Où? Ah, ils te bercent. Alors, ils te bercent pas, mais. Devant la télé? C'est par rapport au fait de se faire bercer, effectivement. Mais ils c'est comme te en voiture. Pas, ah, ils te font des tours en voiture? C'est quasiment ça, en bus. En bus. La société de transport Ulu Travel propose à Hong Kong depuis la mi-octobre des voyages en bus de 5 heures sans destination. Le but, aider les insomniaques à réussir enfin à s'endormir. Mais pourquoi ça nous aiderait? Bah si, parce que peut-être t'as un peu... C'est vrai, t'arrives à t'endormir. Dans le bus. Mais dans un bus, moi je dors, dors pas, il y a trop de gens oui, à côté. Oui, bah tout le monde n'est pas comme toi. Il y a peu de gens qui s'endorment quand même. Bah à si, moins d'être un très bon dormeur. Bah si, parce que ça te berce. Ça peut arriver, moi. L'un de ses amis a fait remarquer qu'il était stressé par son travail et que les trajets en transport en commun l'aidaient à se reposer. Ça m'a donné l'idée de lancer des tours où les passagers pourraient simplement profiter de ce temps pour faire une sieste. Et bander peut-être un peu. Je pense qu'il bandait. T'as des bars à sieste aussi maintenant. T'as pas mal de trucs comme ça à Paris, ouais. Vous avez pas vu? Ouais. Oui, oui. Bon, en tout cas, ça existe. Voilà, mais ça me dégoûte, moi. Je sais pas à quel 15 point. 15 minutes, une demi-heure. Je sais pas à quel point ils nettoient et tout. Moi, ça me. Ouais, c'est pas top. C'est vrai que t'arrives. Ah, ouais, non. Moi, quand je vivais à Marne-la-Vallée, c'était très loin et je venais à Paris. Chut, des fois dis pas. Et des fois j'avais juste un rendez-vous le matin et un l'après-midi et je faisais rien pendant 4 heures, donc c'était chiant. J'avais une carte illimitée et donc je dormais dans les cinémas. Genre je prenais un film dont je me foutais. Ah oui, j'ai fait ça. J'ai déjà fait aussi, ouais. Aussi. Ah ouais, voilà. C'est vrai, c'est drôle. Mais t'es mal installé. Oui, mais bon, tu fais quoi? Bon, mais tu fais ça la où diva là. Oui, c'est moi. Ah bien oui, c'est lit. Clair, moi je pourrais oui, jamais dormir assise comme ça. Oui, et bah, oui mais en fait du coup tu dors où quoi, tu vois, c'est je sais pas si c'est flatteur pour un réalisateur savoir qu'il y a des gens qui vont voir ton film exprès mais pour ronquer. Quel film est-il? Allez, uniquement et on dort. Quel film Flo et tu es allé voir pour dormir? Mais souvent c'est Shutter Island, moi je me rappelle. Ah t'étais. Ah pourtant c'est un bon film. Beaucoup de bruit dans le film, je gueulais, j'avais mis des boules caisses, mais ça. Je crois que j'étais allé voir Ted, moi, le truc, cette McFarlane. Ah, là, c'était allé... bien ouais, aussi. Ouais, mais non, mais voilà, j'ai dormi tranquillement. Ah non, mais moi, c'était juste. J'ai pas. S'il y avait que des films bien, j'allais pas ne pas dormir pour autant, ouais. Tu vois. Ouais. Fallait que je dorme, donc. J'y allais pour dormir. Mais moi, maintenant, c'est des plages horaires où je peux pas aller au cinéma. Parce que bah c'est bon toi tu bah moi j'ai des enfants et donc du coup des enfants ah, t'en bas âge plusieurs j'en ai deux ouais ah d'accord, moi je m'étais arrêté à un. Non, j'en ai deux en bas âge et du coup, tu vois, ça change le rythme et tout. Maintenant, je dors plus tôt, je me réveille hyper tôt le matin. Et du coup, je suis claqué l'après-midi, mais j'ai un coup de barre de connard. Donc, je peux pas, je me rends compte, je peux pas aller voir au cinéma parce que systématiquement, au bout d'une, entre, ce qui se passe entre au bout d'une demi-heure et 20 minutes avant la fin. Ça fait flipper ce discours-là parce que moi, j'ai pas d'enfant et j'ai déjà ce truc où, aussi, où personnellement, après manger le midi. Tu piques du nez, quoi. Bah c'est normal. Ouais. Non, mais moi, vous aussi, vous avez ça. La digestion. Ouais, mais bien sûr. Des vrais coups de barre, moi, jusqu'à 16h. C'est pour ça, moi, je travaille pas l'après-midi, par exemple. Ah ouais. Moi, il y a aussi la dépression aussi. J'ai un coup de barre, je me lève. Oh, le coup de barre que j'ai. Mais moi, c'est que le matin. Le meilleur moment pour regarder un film, c'est le matin. Alors, c'est vrai, il faut avoir le bon matin dispo pour te mettre un film en 2h. Parce que le soir, t'es défoncé aussi, j'imagine. Le soir, je suis. Moi, je me souviens d'aucune fin de film. Je suis spécialiste en début de film. Des fois, je me remets un film que je dis, ah, j'ai jamais vu celui-là, mais si, j'ai déjà vu 4 fois le début. 4 fois, je me suis endormi. Je suis le roi des débuts de film. C'est moi le roi des débuts de film. Jojo, le roi des débuts de film. Si vous avez raté le début, voici Jojo. Savez-vous, et ensuite on passera aux questions que les auditeurs ont envie de vous poser, savez-vous ce qu'est le socking, qui est quelque chose de pratiqué par exemple chez les Mormons? C'est un truc avec des chaussettes? Pas du tout. C'est tu trempes c'est quelque chose? Foot. Non, tu trempes rien. Socking. Enfin, si, tu trempes quelque chose, mais bah, le soaking. Soaking, soaked, ça veut dire alors, tremper. S-O-A-K. Ouais, S-O-A-K. C'est pratiqué tu chez qui un truc. Les Mormons le pratiquent. Est-ce qu'ils trempent leur tub? Alors, leur couille. Ils trempent leur couille dans l'eau chaude comme Booba. Avant d'affronter l'équipe, trempe tes couilles dans l'eau chaude. Bien sûr. Alors, ils trempent leur bite, mais ça va pas vous aider. Mais bah, c'est si. La bite est trempée en tout ils cas. Ils trempent leur bite dans du miel pour... Non, alors voilà, non. Pas dans un aliment, dans du beurre de cacahuète, puis ils appellent leur chien. Enfin, ça, pareil, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. C'est hyper précis de dire. Non, parce que le coup du beurre de cacahuète, c'est génial. Je sais pas si vous connaissez. C'est hyper agréable. Mais non, c'est dans un but sexuel ou pas? Ah, non, mais c'est purement sexuel. Ah, c'est attends, mais c'est un but plaisir sexuel ou alors justement pour réprimer plaisir sexuel. Ah ouais, pratiqué les Mormons, chez les Mormons. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas baiser, genre? Ils ne peuvent pas baiser avant le mariage. Bah, ils trempent peut-être dans une tarte ou un truc qui est agréable. Des coquillettes. Avec une voix. Une petite tarte, au final. Des coquillettes. Ils mettent des coquillettes dans un gant de collette. Comme dans le film Sexy Boys. Le film Sexy Boys avec Laurent Baffy, bien sûr. Ah, moi, c'était dans la BD. L'American Pie français. Et avec Mathias, c'était avec Mathias. Oui. Van quelque chose. Ah, j'étais folle amoureuse de lui. Mais c'était Sexy Boys ou c'était 4 garçons? Sexy Boys. Non, c'était Sexy Boys. Ouais, c'est ça. C'était le American Pie français à l'époque. C'est vrai. Et ce c'était même ça. Genre marqué sur l'affiche, il me semble. Ah ouais? Je crois bien. Oui, oui, t'as raison. Ouais. Il y avait écrit le American Pie français. Je crois parce que American Pie, c'est une tarte et nous, c'est des nouilles. Donc voilà. Rien à voir. Plus français. Plus français. Pâtes françaises, désolé. Ouais. Des pâtes aux œufs françaises. À la base, il mettait sa bite dans un croissant. C'est des luches, tu peux. Il y avait Laurent Baffy, il y a Laurent Baffy dans Sexy Boys. Le papa d'un des gars. Son propre rôle, peut-être. Je sais pas du tout. Je fais mes recherches. Et on verra trois gamés après aussi. Un des boys. J'ai pas trouvé gamé. Hein. Le verbe gamé, j'ai pas trop trouvé. Nougamam. Claude Nougamam. Enfin, si, j'ai trouvé un truc, la traduction du verbe gamé, mais pas la définition. Laurent Baffy joue le patron de la boîte à son dans Sexy Boys. Voilà. Une petite info là pour les perruques de Cinoche. J'ai jamais entendu parler de ce film. Ah ouais? Non, c'est vrai. Il y avait Armel Dutch aussi. C'était pas très connu. Non, je connais pas. Mais donc il se trempe la bite dans quelque chose. Est-ce que c'est de la nourriture, Flo? C'est pas de la nourriture. De l'eau? Est-ce que c'est un truc genre pour la peau? On se dit, ah, mais des onguents, des lotions. Non, c'est vraiment parce qu'ils ne doivent pas faire l'amour. C'est un truc qui se fait à deux. Bah, je vous le dis. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire l'amour, les Mormons, avant le mariage. De la cire. Ils ont trouvé. Pas de la cire, ils ont trouvé une solution. De l'huile bouillante. Pas de l'huile bouillante, de la pisse d'ours. Non, mais c'est pour avoir du plaisir. C'est purement pour. Alors, c'est pour avoir du plaisir. Et c'est de l'eau? L'alcool, c'est de l'eau déjà. Ouais, déjà, premièrement. Mais pas le sexe des Mormons, non. Okay. Pas du tout. Un liquide quand même ou un... Non. C'est pas du liquide. Non, c'est pour ça que tremper sa bite, c'est un peu une fausse piste. Est-ce parce que c'est que... un truc qu'on utilise dans la vie quotidienne? Ah, ça va pas t'aider. Oui, un peu, mais ça va pas t'aider. Pas un cul. Peu d'intervention, mais tout. Il a dit quoi? Un cul. Un cul, peut-être. Il a dit. C'est de l'orfèvrerie pour moi. Ah ouais, putain, c'est à notre taille. Parfait. Ouais. Cousu. Tu rigoles, mais tu es l'homme le plus proche depuis tout à l'heure de toute la vie. De la merde. Un faux cul. Non, de la merde. Non. Pas un faux cul. Une fausse chatte. Non, pas une fausse chatte. Oui, bah là, c'est. Le pli d'un genou. Non. On baisse pas, hein. Attends, mec. Elle me branle pas du tout, bah mec. Alors. Ah, mais il se trouve qu'elle était accroupie, mais ça a attends, rien à voir. Foutu dans le micropopulité, mon podcast. Alors tu rigoles, sans Adrien, mais c'est un peu justement, c'est ça qui est un peu rigolo. Oui, mais c'est comme c'est les... que c'est genre dire le c'est pas du sexe, hein, alors que bon. C'est ça. Ah oui, c'est non, c'est pas ça, c'est pas le pli d'un genou. Ah, ça me rappelle. Mais on se rapproche de le, la bonne le réponse. Le pli du là. Du coup là. Non, pas du coup, non, pas un pli de. Mais c'est, attends, le pli c'est dans les, ouais. C'est avec quelqu'un d'autre du coup. Exactement. Ah putain, les cheveux. Non. Bah, ça te rappelle quelque chose, t'allais dire. Oui, en gros, c'est que un jour j'étais tombé. Sur un forum où en gros c'est des gens qui avaient des questions sur leur pratique de la religion juive, et donc c'est des forums qui sont animés par des rabbins, et les gens leur posent des questions genre est-ce que j'ai le droit de faire ça, et en fait 90% des questions c'est des mecs qui essayaient de dire mais ah oui. Parce que tu sais t'as pas le droit en ouais. fait dans la religion juive de faire l'amour autrement que dans le but de procréer. D'accord. Et du coup toutes 90% des questions c'est des mecs qui disaient mais alors si quand même tu te dis ah je vais peut-être bien procréer mais je suis quand même pas trop sûr, est-ce que quand même j'ai le droit de... Pardon, que des mecs essayaient de trouver des combines genre mais si je j'éjacule quand même dans les draps mais quand même est-ce que c'est pas vraiment une relation sexuelle et comme tout. Elle dort dans les draps parce que le sperme va la toucher pour avoir le bébé. Et vraiment à chaque fois les rabbins disaient non. Non, non, non, ça n'est pas possible. L'émission s'appelait C'est non. C'est dans drôle. Les selles. Pas dans les selles. C'est une partie du corps humain. C'est une partie du corps dans humain. Dans les seins. Non, non. Là où elle dans les seins. Non, mais. Putain, attention. La bouche. Non. Les non, aisselles. Le nombril. Les non. aisselles. Non, non, non. C'est la chatte. Oui, ah mais. Ah, sans érection. Alors, presque. C'est hyper poisson. C'est les couilles. Sans pénétration. Non. C'est les couilles, ils mettent les couilles dans la chatte. Là, c'est pas du sexe, mais c'est non, pas la bite. Mais t'as dit qu'ils trempaient leur bite. Et pas les couilles. Couilles dans la chatte. Non, mais quand je dis un truc, c'est pas la bonne réponse. Hein. Non, quand même pas. Pas de la merde, quand même. Non, mais, non, mais c'est des parce trucs, que les, l'intitulé, c'est bien la bite. Oui, l'intitulé est parfaitement la bite. Le tremper, ce qui trempe, c'est la bite, on est d'accord. Ils trempent la bite dans la chatte. Alors, oui. Mais justement, alors je vais vous dire la bonne réponse. Attends, mais dans non la salive, avec la les salive. Yeux fermés. Non, pas les yeux fermés. Pas non, avec non, mais la salive. Attends, on peut trouver ou pas. Voilà, vous pouvez trouver presque, mais. On a fait toutes les parties. Mais, non, mais c'est la bonne partie. Mais c'est pas leur femme. C'est une... En fait, c'est... si, c'est leur femme. C'est un pénis qui rentre en contact. Comme Jodie Foster. Mais, ils font... mais ils font genre, c'est pas vagin. Fait exprès, quoi. Non. Il faut genre, oh pardon, oh bah mince. Non. Ouais, j'étais là en train de bander. On est pas loin. Baisse, mais en s'excusant. Oh désolé. Oh pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis pas sûr qu'il y a pas loin. C'est moi qui reviens. Et je reviens. Mais il y a un truc sur la chatte. Alors non, c'est en fait il y a vraiment pénétration. Mais... Ah mais attends, c'est pas le truc parce que ça c'est aussi une légende urbaine de la religion juive. Ouais. Où en gros ils mettent un drap avec un trou dedans. Non. Et ouais. Font... C'est pas ça. Non, donc, ça c'est pour se déguiser en fantôme à Halloween. Ça le fantôme à la caquette tendue d'ailleurs. Non mais alors ressouvenez-vous du terme le soaking. Donc ils. Okay. Mais ils s'enduisent la bite de quelque chose. Non. Soaking. Si ce n'est d'un vagin. Ah c'est sous l'eau. Non. C'est... Non mais ça peut être dans un bain quoi. Je vais vous dire. Il y a parce qu'il y a une deuxième façon de faire et je vous enverrai sur la deuxième façon après. C'est juste ils se pénètrent et ils ne bougent plus. Ah c'est de l'art, c'est tantrique. Voilà. Non, enfin, ouais. Ils ne bougent plus. C'était. Et... Mais c'est genre tu fais le plein à la pompe à essence. Mais non, quoi. Mais... là, ah là là, attends, je suis trop en train de baiser là. Pareil, t'attends que ça tombe les... à 50 piles. Les mains sur. Bah, cette... Pouta où t'étais quand je mettais les 7 euros d'essence. Avec les mains sur les hanches comme ça. Ah putain, je suis grave en train de baiser là. Alors, sachant que parfois, c'est une ancienne mormon qui a raconté ça. Il y a une tierce personne qui vient aider. Et qui prend son cul et qui le fait aller d'avant en arrière. Quasiment. Il fait oh là là, attends, je te secoue mon pote, je te secoue les puces hein. Parce qu'en fait, dans la religion mormone, apparemment, putain. Faire l'amour, c'est si toi tu ne fais pas le mouvement, c'est bon. Donc, c'est autorisé. Ils se mettent sur un power plate. C'est un peu comme quand t'as pas le permis et que tu as envie de conduire, donc tu te mets une voiture à l'arrêt. Ouais. Eh, hey, on va trop vite dans la voiture. Hey. Alors qu'en fait, t'avances pas du tout. Eh, hey, avance toi, vieux pépère. D'ailleurs, il dit ça en baisant. Mais avance, vieux pépère. C'est le sexe tantrique. Alors, blanche, non, parce que tantrique, tu y a même pas de pénétration, il y a rien. C'est genre des effleurements, des trucs. Là, il y a quand même pénétration, quoi. C'est pas très. Oui, mais non, Blanche, elle en parlait dans son spectacle. C'est très drôle. Dès qu'elle était sortie avec un mec comme ça, oui. Et que justement, il voulait faire ça, il lui disait de pas bouger, et que c'était hyper frustrant. Il y a des mecs, ils ont peur d'éjaculer, donc dis attends, bouge pas, c'est ça aussi. C'est moi, ça. Non, mais sachant qu'il y a donc une tierce personne qui parfois vient aider, donc pas en secouant ou quoi. Non, mais c'est la personne qui raconte ça. Moi, je sais pas. Qui fait bouger le lit. Non, elle branle la bite entre la chatte. Elle saute. Elle saute sur le lit. Mais non, gueule. Non, mais c'est génial. Non mais attends, il y a un mec qui sort. Non mais c'est vrai. T'imagines ça. Le soaking serait un secret de Polichinelle. D'ailleurs ce mot bah, c'est peut-être c'est un hyper faux truc visuel aussi. Hein. C'est mais attends, c'est le meilleur. Jump humping. Pour celle-ci, il faudrait traduire le saut frotteur et le concept laisse perplexe. Il s'agirait selon elle, pardon, de ce qui est écrit sur le réseau, de demander à une tierce personne de sauter sur un lit alors qu'un type s'y retrouve allongé l'un contre l'autre afin de créer un mouvement qui fera se frotter les corps des deux amoureux en toute chasteté. Ça, moi, ça me... alors qu'ils sont les en plein soaking. Ouais. C'est pas baisé donc. Ouais, c'est ça, tous les gosses qui viennent les gosses tous les dimanches matin. Qui viennent, il faut. Attends, vas-y, mets ta bite parce que là ils vont arriver. Oh non, les enfants, enfin. Continue, mecs qui touchent. C'est pareil, les mecs qui veulent se branler en fait, ils n'ont pas le droit, ils tiennent juste la bite et faut que t'ailles sauter sur le lit à côté. Merci d'aller me branler, c'est cool. Voilà, donc quelqu'un a parlé de ça et ça a fait un véritable buzz dans le milieu mormon, puisque d'autres répondent que c'est n'importe quoi, ce sont des rumeurs et des blagues. C'est peut-être des faux trucs. Mais ça, moi, ça me fascine. Et justement, encore la religion juive, mais tous ces trucs où, en gros, pour contourner le Shabbat, en fait, où normalement t'as pas le droit d'utiliser d'appareils électriques, et du coup, en Israël, il y a des ascenseurs dans les immeubles qui s'arrêtent à tous les étages. Ouais. Et les portes s'ouvrent. Donc, du coup, toi, tu rentres dans l'ascenseur, tu fais ah bah non, je l'ai pas appelé. J'ai pas appelé l'ascenseur, c'est juste. Du coup, toi, tu montes dans l'ascenseur, et c'est pour dire non, j'ai pas appelé l'ascenseur. Juste, bah, du coup, je rentre dedans. Donc, c'est vraiment, les gars, franchement, si Dieu existe, il va faire bon, allez, foutez de ma gueule ou pas. Là, vous prenez un peu pour un con. Le soaking avec le mec qui saute sur le. Oui, là, sur là le Dieu lit, a peut-être un vous moquez de moi. La gueule de Dieu. Parce que aussi, il y a des mecs qui mettent des timers sur leur télé. D'accord. Pour regarder la télé. Donc ça allume la télé à 22h où t'es censé pas. Il faut balancer pas moi. Quelle mauvaise foi. C'est pas moi. J'ai pas allumé la télé. Bon, je vais la regarder maintenant qu'elle est allumée. Je croyais que t'étais pas loin de la regarder. Non, en fait, le truc c'est touché. On va croire que je suis un spécialiste de la religion juive. Mais en fait, le truc c'est que. T'es calé en juif, toi. Je suis assez calé. Non, mais en fait, c'est qu'à la base, pendant le Shabbat, tu n'as pas le droit de créer une flamme, en fait. De produire une flamme. Et du coup. Activer un interrupteur, tu crées une étincelle, donc tu crées une flamme, et donc du coup c'est interdit. Pourtant, Jonathan Cohen a créé la flamme. Joli ça. Qu'est-ce que je suis fort. Mais du coup, les mecs mettent un timer, ils disent bah non, moi j'ai jamais créé une flamme, j'ai rien fait. Ouais. Bon, maintenant que la télé est allumée, je vais la regarder. Mais c'est pas moi, c'est pas moi, Dieu, tu peux rien faire. Okay. Mais c'est marrant parce que moi, bon, alors j'ai grandi en Bourgogne, ce qui signifie que j'ai vu mon premier juif à 19 ans, je pense à peu près. Et quand j'étais à Paris, il y a quelqu'un, donc on était du coup j'imagine un vendredi, je crois que c'est ça. J'ai comme moi pour le coup j'y connais rien. C'est ça. Et quelqu'un me dit excusez-moi, vous pouvez taper mon code. Et donc je comprenais pas. Et je croyais qu'il se foutait de ma gueule. Donc vraiment j'ai fait non, c'est bon. Et donc tu crois qu'il passait pour un atroce antisémite qui dit non, là, c'est bon les arnaques. Jamais j'aide des juifs. Et pour pas passer pour un con depuis t'assumes, tu dis je suis antisémite. Voilà, c'est comme ça. Pour être sûr, je connaissais Shabbat. C'est pas que j'ai rien compris, c'est. Mais ouais, et du coup, quand j'ai expliqué à des potes, ils m'ont dit bah non, en fait, c'est juste, tu n'as pas le droit de créer une flamme. Voilà tout simplement. Donc, oui, chers amis, j'ai prévenu les gens que vous étiez invités dans l'émission. Sur quel support Sur Curious Cave. Je suis désolé, j'ai tout dit. Et donc, du coup, ils ont des questions à vous poser. Éléonore. Bah, tiens. J'ai adoré Jean Humaine. J'ai adoré Jean Humaine. Je me demandais si tu comptais refaire des formats courts dans ce style. Ça fait tellement du bien de voir ça, nous dit l'auditeur. Et bah, c'est adorable. Écoute, des formats courts, en fait, il faut de l'argent pour faire ça. Et donc, du coup, là, je suis passée par des systèmes classiques avec des producteurs et des diffuseurs. Donc, les choses mettent des années à se faire. Et comme j'en ai marre d'attendre, et là, j'ai écrit un long métrage, mais que je vais mettre sur ma chaîne et que je vais tourner moi-même, en fait. Oh, génial! Enfin, que je vais autoproduire, juste pour le plaisir de... Enfin, pas juste parce que j'ai envie de parler de ça, mais aussi parce que j'en peux plus d'écrire, là. Ouais. D'être dans le truc, de se faire produire. C'est d'être dans cette attente où t'es. Et c'est super, et je me plains pas, et je suis très contente, mais c'est si long. Ouais. Et il n'y a plus d'effervescence, et puis comme c'est très solitaire comme travail, là je craque un peu. D'accord. Effervescence qui était un de tes groupes, je crois, Thomas. Dans le chanteur. Dans ce groupe de jazz fusion, ça s'appelle Effervescence. Les ferves. J'avais un catogan et des tongs. J'aime bien. Guitare synthé. Aurélien. Tu m'as damé le pion. Ouais. Je t'ai gamé le pion. C'est pas damé. Si, non mais gamé. Rapport un callback de tout à l'heure. Gamé. Ah non mais je suis un génie. Je faisais des sketchs en CE2 je rappelle. Pardon, désolé hein. Aurélien. Tiens d'ailleurs, juste petite parenthèse. Est-ce que toi quand t'étais gamin on t'appelait Adrien? Ouais. certain. Parce que moi, c'est avec le film. Je l'ai peut-être déjà bah dit. Dans podcast, mais c'est avec le film. Parce que moi, on m'appelait Aurélien quand j'étais petit. Mais ça, ça me surprend, moi. Parce que pour moi, des Auréliens, il n'y en a pas, quoi. Bah, c'est ça. Ah, bah, c'est peut-être avec un floodcast où t'étais. Qu'on a... je me souviens que tu m'avais dit ça. Cette émission à 7 ans, c'est mais, normal. Mais moi, c'est avec le film Comment c'est loin. Ouais. Où on l'appelle Adrien, son patron l'appelle Adrien, je crois. Ouais. Et je me suis dit, ah putain, en fait, les Auréliens, on les appelle Adrien aussi, parce que ouais. Moi je pensais que c'était que dans, ah, c'est dans marrant, mon sens. Ça, je pensais. Je me suis dit, ah oh, putain, c'est dans les deux sens en fait. Voilà. Moi j'ai une grande tante, quand je disais, quand elle m'appelait Adrien, elle me filait un franc, tu vois, pour se faire pardonner ou un truc comme ça. Ah ouais, donc, je me faisais un fric monstre. Putain, le mec. En profitant de sa sénilité, j'ai raté. Célébrité. Célébrité. Était, la ferme célébrité. C'est Régine, sa tante. Hyper célèbre à l'époque. Donc Aurélien, si tu avais l'occasion, pourrais-tu faire un épisode d'Il fait tout noir? On en parlait tout à l'heure avec le président de la République. Non. Non. Même voilà. Si c'était un président qui est dans tes idées merde. Politiques. Ah putain, je suis coincé là. Eh ouais. Là, je pouvais avoir une posture en mode. Si Zemmour passe par exemple. Ouais, là, ça tirait pour toi. Juste Barack Obama. Juste Obama. Comme Seinfeld, tu vois. D'accord, oui, ça va. Ou c'est le Seinfeld français, je crois. C'est ça. Ouais. Zach Galifianakis qui a fait un Between Two Ferns voilà. Avec Obama. Ouais, voilà. Ah, oui. La question, si c'est un homme, si c'est un mec au pouvoir, non. Non. Oui, voilà. Mais si c'est. Si là, Hollande, il me dit, viens, on fait un délire, on fait un bail, tu vois. Mais faut qu'il le dise en ces termes. Ouais. Faut qu'il le dise comme ça, bah. Dis yo, man. Hollande, si tu nous écoutes, voilà, viens faire Il fait tout noir d'Aurélien. Ça serait très drôle. Mais non, parce que. Philippe Poutou, tu vas faire un Il fait tout noir. Non. Non. Ah ouais. Non, mais s'il est pas président, juste chez lui. Il est pas président. Non, mais si, ah, si là. Si jamais. Tu dis pas de quelqu'un au pouvoir, mais. Non, je pense pas. Non, ah ouais, ok. Non, parce que c'est quelque chose que tu dis, que on en a parlé entre nous. Je sais pas si tu l'as assez dit publiquement, mais tu disais que souvent que tu n'allais pas à la course du plus avec ouais. Il fait tout noir. Pourtant, plus que... égale plus. Hein, pourtant, je le rappelle quand même. Donc voilà, ma question c'était quel serait peut-être ton invité ultime ou le moment où tu te dis peut-être que là on tourne en rond ou des choses comme ça. L'invité, bah le duo ultime c'est Eric et Ramzy. Ouais. Parce que tu sais que, enfin, ce qui marche bien dans l'émission, c'est pas juste chez qui je vais, mais c'est avec qui j'y vais aussi, ouais. Quoi. C'est j'ai un autographe d'Eric. Oh, Judor, c'est vrai. Les petits duos. J'en ai deux, j'ai lui ouais. Aussi, ah ouais. C'est vrai. Balzac et Eric Judor. Vraiment, les fans de trucs très spécifiques. Bah, la comédie humaine. Hein. Ouais. C'est ça, je me suis dit. Hein. C'est pas. La comédie humaine, Balzac. Bien, bien, pas, pas, bien, bien sûr, le Père Goriot. Je l'ai pas lu en seconde. Hein. Alors, moi, que je vais lire le Père Goriot en bah, seconde. Les Illusions Perdues qui va sortir au cinéma d'ailleurs. Qui est sorti. Qui est sorti déjà. C'est génial. Attendez, j'ai une anecdote. Vas-y. En seconde, on devait lire le Père Goriot, mais il y avait trop de descriptions, donc j'y arrivais pas. C'était compliqué. Ça te rappelle un peu. Et un jour, j'avais pas lu ce qu'il fallait lire, j'avais préparé une excuse de quoi elle m'interrogeait, j'avais arraché les pages du livre. Attends, au milieu. J'ai entendu cette anecdote. Je l'ai raconté dans le dernier podcast. Non, mais il y a une semaine, tu m'as raconté, je sais pas à quelle occasion, mais vas-y, pardon. Pensons aux auditeurs. Secret. Et du coup, ouais, j'avais viré les pages en me disant, si elle me dit, bah voilà, alors vous avez lu, j'ai dit, bah non, regardez, c'était le livre de mon grand frère, ah, et du génial. Coup, bon, on a dû en parler à Avignon, André. C'est malin. C'était peut-être le livre de mon grand frère, et du coup, il n'y avait pas les pages, mais elle m'a pas interrogé, juste j'ai niqué un livre gratuitement. Gratos. Mais en mais revanche, c'est quand même je le trouve. Truc, j'ai pas l'idée, quoi. Juste avant le cours, j'ai dû me dire, allez, vas-y, go. C'est une très bonne idée. mais je trouve que c'est fou de faire lire ça au collège et au lycée, par contre. Ouais. Trop dur, tu dis ? Non, le Père Goriot. Mais c'est pas trop dur, mais c'est pas intéressant quand t'es au collège ou au lycée, Balzac, en fait, Balzac, tu vois. C'est pas... Enfin, c'est j'ai lu que le Père Goriot, ça veut dire. Mais. Tu l'as lu, pas... toi ? Ouais, le Père Goriot, c'est le seul c'est que j'ai lu. C'est toi qui mes pages ? Rends mes pages. Non, mais. C'est mieux que. Alors, Flaubert, par contre, Flaubert, alors, a vraiment envie très... de me suicider. Il faut expliquer aux lignes. Il faut expliquer l'auditeur, ce qui se passe. Mais parce que Flaubert, c'est des descriptions. Oui, mais tu parles de Madame Bovary. Mais Madame Bovary, en fait, c'est très chiant à lire. Parce que c'est une fille qui s'ennuie. Donc, en fait, il écrit comme. Mais même Salambo, c'est un Salambo qui s'ennuie aussi. C'est sketch en noir et blanc. Merde non, de... non merde non mais je suis d'accord avec ah mais toi. Non mais putain mais bien sûr Flaubert non mais non mais Flaubert Gustave Flaubert Gustave Flaubert Gustavos non mais en tout cas c'est dommage c'est vrai que c'est un enfer Flaubert au lycée ou au collège il vaudrait mieux lire des trucs tu vois comme Romain Gary genre que Thomas VDB ça je pense c'est un truc à lire mais oui, quand t'arrives en 6ème de faire mon livre au programme non mais Romain Gary hein. C'est super Romain Gary j'ai même pas lu ah oui bah oui tu vois ou Émile Ajar tu fais lire Gros Câlin ou La Vie devant soi Gros Câlin grosse patate franchement tu lis ça au lycée c'est formidable tu viens de citer les deux seuls livres peut-être que j'ai lu de ces 20 dernières années et bah lis tous les autres Adrien parce que si tu as aimé ça tu adoreras tout Hunger Games non j'avais commencé La Promesse de l'Aube non j'avais commencé au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et ça, je l'avais lâché en cours de route. Mais peut-être que je resterai. Mais... Eh, ça va les binoclars là? Ah non, bah attends, j'ai lu deux bouquins, bon, ces 20 dernières années, elle les cite. Je crois que je peux faire genre, j'adore ce livre. C'est ma passion, je t'en râle, le mec il râle que j'ai pas envoyé mon livre. Mais ah, moi j'ai lu deux bouquins en 20 ans. Ah, moi, non, mais toi ça va, parce que vraiment c'est la lecture. Mais non, c'est mais moi, qui est génial. Les trucs, toi c'est des anecdotes. C'est des anecdotes. Mais moi ça va, tu vois, les trucs où tu peux snacker. Ouais, c'est vrai que ça se snack. Ça snack bien. Comédienne Rhapsody, ça se snack. Mais fais une version audiobook par contre. On en parlait. Non, allez, non, fais-le. Fais-le. Ça va, fais-le maintenant, t'as le bouquin devant les yeux. Le matin, fais ça le matin, apparemment, t'as du temps. Il y a un micro, il y a le bouquin. Fais-le et on te coupe. Fais-le par quelqu'un d'autre, au pire. Il faudrait que j'arrive. Je sais pas. Mais en plus, on m'a beaucoup dit qu'on m'entend le dire quand on le lit. Non, mais ça, c'est normal. C'est un compliment. Tes statuts Facebook, tes tweets, tout, on l'entend avec ta voix. On m'entend avec. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, mon gars. Tu vois, il le fait. Adrien, lis le livre. C'est toi qui vas faire. Je le fais, je t'imite. Franchement. Ouais, Queen, mon gars. Ah bah moi. Ouais, ouais, Queen, mon pote. Ouais. Ah, la guitare. Je m'étais dit, je l'avais pas fait la dernière fois. Je vais faire une horrible imitation de toi. Ah non, elle a réussi cette horrible imitation. Attends. Ouais, non, bah c'est tout. C'est ça. C'est la faute d'un tweetos. C'est la faute d'un tweetos. Qui a réagi au tweet d'annonce en faisant une. Il a mis. Ah ouais mon gars, entre parenthèses, putain, mauvaise imitation de Thomas et ça m'a. On en parlait, la dernière fois que t'étais venu, c'était les Thomas. Tout le monde est persuadé de savoir imiter Thomas, comme Orelsan et Gollum. Voilà, c'est Gollum. Tu détestes. Dis-le. Tout le monde croit qu'il sait imiter Orelsan. Ah ouais. Beaucoup. Le A c'est marrant. Tout le monde pourra savoir le tenir. Et Stéban. Moi j'ai jamais essayé, mais je pense que je sais le faire. Mais j'essaierai pas aujourd'hui. Moi je le fais bien. Tellement c'est facile. Cela dit, Adrien le tient presque aussi bien que Thomas. C'est te dire. Et Gollum c'est. Fais-le! C'est ça, Gollum? Non, c'est Elise. En fait, je pourrais faire un épisode de bloqué avec Orelsan et Thomas. Fais-le! Je m'en fous de Gollum! Ah, bah, la foutre de Gollum! Non, mais ouais, c'est Seigneur des Anneaux, ça! Ouais, c'est vraiment, ça me tombe, vraiment. J'ai envie de dormir, mais j'arrive pas à trouver le sommeil, je me mets ça. Bonjour, c'est Gollum! Hop, mais ça marche avec tous les films, de toute façon, on te fait pas chier. Ouais, mais quand même, Gollum! Non, plus! Beaucoup Gollum! Beaucoup Gollum! Les sons de Gollum, ça donne bonjour! Bonjour, c'est Gollum! Ah bah bonjour, c'est Gollum. On dirait Canteloup qui imite Gollum, mais du coup il dit le nom avant quoi. C'est Gollum. Je peux faire Orelsan. Mais non, je le fais pas bien du tout. Ah bon. Orelsan, non, je sais pas le faire. Mais personne ne sait. Flo, il est quelle heure là? Il est non, il est 15h56. Ah bon. Tout va bien. Non, voilà. tout va bien. Et donc Eric et Ramzy, Aurélien. Yes. C'est, putain, ouais, c'est, fou. C'est le binôme que t'as, parce que t'as déjà eu Eric Judor. Yes. Est-ce que tu lui as glissé un mot dans l'oreille? Ouais. il s'est barré. Non, mais après, c'est, faut pas annoncer des trucs et tout. Moi-même, j'aimerais autant que les gens qu'on puisse le faire et tout, mais faut que ça puisse se mettre en place. Faut que les planètes s'alignent bien. Une question pour Thomas. Bon, quelqu'un demandait d'avoir un aperçu de tes talents de rappeur. Oh, je vais répondre, mon gars. Oh là là. Oh, ah non, c'était il pas. Il m'a coupé l'air sous le pied. C'était Adrien. Qui parle? Ah, c'est toi Adrien qui. Ah, j'ai cru que c'est moi qui parlais, mais j'avais la bouche fermée, je comprenais pas. Je parle comme si je suis ventriloque ou quoi. Adrien Jardier. Il a tellement coupé l'air sous le pied qu'on dirait un jardinier, le mec. Ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc déjà, quelqu'un voulait avoir un aperçu de tes talents de rappeur période RATM. C'est, t'en parles un peu dans le. Aucun, rien à faire. Aucun moyen. Ah non, mais ouais, vas-y. Alors, c'est quoi la question? Et l'autre question? Non, c'est. C'était une des questions qui était revenue. Et l'autre question, c'était concernant tout simplement l'émission Comi Comique que tu as fait récemment. Ouais. Savoir comment si tu t'étais bien remis de ton passage. Parce qu'apparemment, tu étais dans quoi, un sale état. C'est quoi Comi Comique? Oh, bon, écoute. Non, c'est vrai que Comi Comique, c'est assez rigolo. C'est des mecs. Qui est-ce qui fait ça? Je sais plus comment ils s'appellent. C'est les gars du One More Joke. Du One More Joke, c'est ça. Qui m'ont invité à faire une recette de cuisine. Ah oui. Et il y a un invité surprise qui était Poulpe qui est venu me voir. Et donc j'ai préparé une recette. Donc il te demande de faire une recette dont tu es spécialiste. Donc j'ai fait. Je crois que j'ai dû faire une espèce de soupe. T'as tout vraiment une soupe. La punition pour tout le monde, quoi. Quand j'ai dit je vais faire une soupe. Et donc c'est. Enfin, velouté de. Bon, je sais plus. Et donc. Et c'est au bout d'un moment. Les mecs ils sortent du rouge. Ils arrêtent pas de sortir du pinard et tout. Et c'est vrai que moi j'étais content d'être là. Il y a Poulpe qui arrive au bout des coups. Et à la fin, il était 15h. J'étais ah bon, mais je vais vous laisser. Parce que là, il manque des consonnes dans mes phrases. Il manque beaucoup de consonnes. Mais ouais, c'était super chouette. chouette à faire ce truc. Hyper, hyper accueillant, hyper cool. Mais je m'en souviens, mais oui, bien sûr. Et quelqu'un demandait aussi si on pouvait revoir tes anciens spectacles sur des plateformes. Alors je sais que Bon Chien Chien est sur Netflix. Oui. Sur Netflix, et je l'ai vu la semaine dernière. Ah, cool. Ah. Et je disais au gars, je te le redis, j'étais à terre. Oh là là. Mais vraiment, hein. Enfin, cool. Genre, je m'épose tellement je me marre. Oh là pas. Là, mais écoute, et je te jure, je dis pas ça, pour. C'est très cool. Sincère. C'est très C'est, c'est le seul qui est visible ouais. Sur les plateformes ou même sur internet, parce qu'il y a peut-être des extraits de sketch. Mais en fait, j'ai des représentations captées de mes anciens spectacles. Mais je sais que ça ferait bizarre de les mettre maintenant. Parce qu'en fait, ouais. plein de gens m'en ont parlé. Et donc, disent on peut pas aller voir ce spectacle. Et je sais que si je les mets aujourd'hui, il y a des trucs qui vont faire un peu dater, forcément. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé de mettre. Moi, j'ai pas une chaîne YouTube sur laquelle je suis actif du tout. J'ai un compte YouTube, mais en fait, mais j'arrive pas à faire la différence entre ma chaîne et mon compte YouTube. Bon, c'est pareil. Bah ouais, mais non, je te jure, moi, j'ai un alias de compte YouTube. Oui, mais ton compte, c'est Google, en fait. Non, mais je ne comprends pas ça depuis des années. En fait, c'est pour ça que j'ai pas de chaîne YouTube, parce que je ne comprends pas comment ça marche. J'étais comme toi. Et donc, j'ai remis. Et donc, j'ai fait des sketchs il y a très longtemps pour MTV, et puis à un moment, je m'étais dit, oh, avait des biens des sketchs sur MTV, et je me suis dit tiens, il y a deux ans, je me suis dit tiens, je vais mettre un de mes vieux sketchs de MTV sur ma chaîne, et je l'ai mis, mais en fait ça apparaît direct comme une nouvelle vidéo, quoi. Ah oui, bah oui. Et donc les gens ils disent bah c'est nul, et je dis, c'est vieux, c'est vieux. C'est pas nul, c'est vieux. Et donc du coup je me dis, ça me fait me dire, est-ce que c'est pas un peu désuet aujourd'hui de mettre des spectacles qui ont bien marché à l'époque, mais avec un regard qui était sur mon premier spectacle où je parlais du rock, bah à mon avis, ou de ma passion pour la musique, pense, j'espère que mon livre est plus précis là-dessus aujourd'hui. Ah, il est fort, il crée un compte, caler son livre. Ok, les man. Ah, mon gars, je suis bon à promo. Crée une chaîne d'un faux gars, tu fais genre c'est pas toi et tu mets tes trucs, quoi. Ah, pas con. Pour Thomas avait des fans. Moi, je me suis vraiment demandé pourquoi, lorsque Daft Punk s'est séparé, il y avait un coup à faire, Thomas. Tu remettais Thomas VDB chante Daft Punk le jour de la séparation, et là, tu faisais le buzz. Excuse-moi de te le dire. Ah, c'est vrai. C'est tu vrai. Faisais en le plus, buzz. En plus, j'ai des représentations très drôles, assez mal filmées, mais bon, au moins, on se donne, on a une mais idée. Ils ont français, dit que quoi. Si tu le mettais sur YouTube, il se reformait en plus. Ouais, ah ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. Les gars. Il désexplosait, le c'est mec. Steph, c'est Steph de Daft Punk. Steph et. Clotaire. Steph le Clotaire de Daft Punk. Yes! Et Jojo. Adrien, oh. Quel est ton top 3? Et la question est capitale. Mais alors, le top 3 de tes meilleures sauces piquantes, selon toi. C'est non, mais ce qui est incroyable, ce qui est incroyable, c'est que la dernière fois que j'ai parlé de sauces piquantes dans le Floodcast, c'était quand t'étais là, parce que toi, tu avais recommandé le ketchup au jalapeno, au jalapeno. Qui est introuvable maintenant, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être, peut-être sur saucepiquante.fr. T'en as parlé dans l'émission, et je pense que derrière. Ouais, mais non, mais ça t'avait déjà beaucoup fait rire à l'époque, ce site, mais je comprends après. Toujours pas allé. Saucepiquante.fr. Mais alors, mais donc, mais t'es vraiment fan de bouffe épicée? Je suis pas genre. T'achèterais pas un vieil objet ayant appartenu à une sauce épicée? Non, voilà, pas. Pas un autographe d'une sauce épicée quelconque. Non, non, mais j'aime pas spécialement les trucs qui arrachent la gueule. Non, mais faut pas que ça arrache, le plus ça arrache, meilleur c'est. Non, mais parce qu'il y a des gens comme ça qui sont insupportables. Qui disent, non, moi c'est encore plus épicé ce que je mange. Hein. Alors, ouais. Tu vois, on s'en fout. Non, moi j'aime limiter Thomas. Mon gars, mon gars. Mais dites donc, mon gars. C'est toi, le DB, dites donc. Daft Punk, mon gars. J'étais bien imité là. Bourville. Ah non, c'était Bourville, 100%. Bon, alors je vais dire, bon, j'en ai mis 4. Oh là là. Alors il y a la sauce à l'ail noir de la marque Cat Jones. Attends, mais je vais faire une photo de ton pense-bête là, parce que bah, je te l'envoie par texto sinon. Ok, mais tu l'achètes où ça? Saucepiquante.fr. Sauce. Alors attendez, parce que moi j'ai. Saucepiquante.fr. Mais ça se bouffe avec quoi? Tu bouffes avec quoi ça? Mais tout. C'est comme vraiment... de la moutarde avec de la viande. Non, avec c'est une sauce liquide quoi. Mais c'est un peu y a liquide. Pas des conneries sandwich, dedans. Quoi. Et tu mets ça, des conneries dedans. Ouais. Si y a des, je sais pas, des blagues de Carambar. C'est le seul truc, c'est. Y a un bêtisier. Non mais je vais dire des saletés du genre E45, Glaquimose, trucs comme ça. Ah ouais, c'est pas. Ouais, bah, ouais. Non, c'est non, c'est oui, genre chimique, du... c'était le mot que je cherchais. Alors chimique, ça veut rien dire. Hein. Tout est chimique, mais non mais. Non, mais est-ce qu'il y a des E quand faut pas qu'il y ait des. Il y a du H2O, c'est chimique. Les légumes. Non, faut pas qu'il y ait des colorants mais qui commencent par E dans les composants en général. Et les mecs, je vais pisser. J'y vais après parce que je vais mourir. Alors, pendant que les gens pissent, je vais vous donner l'explication de gamay. Ok. Tout simplement. Et bien, en fait, ça vient de gamma majuscule. Et en fait, la lettre gamma, c'est une espèce de T, mais qui irait que d'un côté, quoi. Tu vois, genre, t'as comme un angle droit. Ce qui fait qu'en fait, si la croix est gammée, c'est-à-dire que les traits sont gamma, et ça fait du coup que la croix est gammée. En vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment de verbe gammé, quoi, je pense. Je pense pas. Je pense qu'il y a juste l'adjectif qui vient de. Du mot gamma. C'est les branches, comme... en fait, de la croix qui sont. cassé à 90 degrés. Comment on pourrait, est-ce qu'il y a un autre exemple de choses gammées, d'adjectifs comme ça où il y a un participe passé, mais en vrai il y a pas vraiment de verbe. C'est ça. Tu vois. Tu vas pisser aussi ? Non, je vais faire quelques pompes. Tu vas faire quelques pompes. Adrien, tu es prêt à faire ta sauce, ton top des sauces piquantes ? Adrien, sa sauce. Mon chaîne YouTube de. Ah, t'as une chaîne YouTube de sauce ? Bah, j'en rêve. Adrien, sa sauce. Mais t'as un compte sur saucepiquante.fr quand même. Non seulement j'ai un compte, mais j'ai mon lien. Je vais vite fait, Adrien. Non, mais j'ai un lien de parrainage sauce piquante. J'ai 60 balles de. Je peux me payer 60 balles de sauce piquante là. Sauce. Avec tous les gens que j'ai parrainé. Mais attends, mais avec quoi tu les bouffes essentiellement tes sauces piquantes? Enfin, tu vois, c'est quoi, tu les mets dans ta salade mais ou avec tout mais Thomas, en vrai. Non, mais je sais pas, tu sais, quand je me fais un petit plat avec du riz, des légumes, machin, hop, tu rajoutes un petit coup de sauce piquante dessus. Non, mais oui. Même dans un sandwich, t'en mets. Et donc, t'en as qu'on ait vraiment des saveurs différentes. Ah, c'est pas la forme. Plus c'est fort, plus j'aime pas forcément. Non, mais moi c'est pareil. J'aime bien quand c'est relevé. Voilà, j'aime bien quand c'est relevé. J'aime bien. En fait, moi, quand ça arrache la gueule, ça m'intéresse pas. Non, mais justement, moi, ce que j'aime, c'est justement les sauces plus que les sauces piquantes en vrai, quoi. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que sur le site, c'est classé par degré force, de piquance. Ouais, il y a un degré, l'échelle de. Mais c'est droit, oui. Scofield. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est Scofield, je crois, ouais. Pour le coup, je vais le noter parce que c'est vrai que. Sauce tirée piquante. Je vous donnerai mon lien de parrainage. Merci Adrien. Et donc, assaisonnement pour le condiment France. Mais toi, condiment France, t'as tout. Tu cuisines vachement bien. J'ai jamais goûté ta cuisine. Oui, mais tu sais pas. Hein, ça se trouve, c'est pas oui, bon. Oui, mais c'est beau ce que tu fais. J'aime faire à bouffer. Moi, ça me donne trop faim. Et tu sais que ça me donne des idées souvent. Parce que comme moi aussi, je suis pas végane, mais je mange quasiment pas de viande. Et du coup, t'as besoin parfois d'avoir un petit peu plus d'idées. Et du coup, des fois, je vois tes trucs, genre tes soupes là, j'en ai fait pas mal. Sur Insta. Ah bon, je vois pas ça. Ah ouais. Sacré soupeur. Tu m'as une follow, quoi. Je te pas une follow, hein, ça. Ouais, regarde. Donc la sauce à l'ail noir, Cajons, Cajons. Elle est en haut de ton top là. Tu commences par le bas. Il y a pas de classement. Ok, non mais d'accord, c'est cool. Comme ses enfants, tu peux pas préférer tes enfants. Les sauces piquantes, c'est comme les enfants. C'est ça, c'est pareil. Je peux pas dire que. Mais d'ailleurs, toute la marque Cajons, c'est une très bonne marque. Donc même la sauce à l'ail noir, il y a des variantes genre ail noir chipotle et tout. Mais ça, c'est que sur commande. Tu fais que commander. Là, ouais, tu ouais, ouais. Enfin, dans ils les ont une boutique à Strasbourg, je crois. Ok. Sauce piquante, donc. Mais ils font même leur propre sauce piquante. Mais moi, ouais, je commande. Ok. Alors, il y a une autre sauce, c'est la Crazy Bastard Chipotle Pineapple. Alors, ça, c'est si vous aimez les sauces un peu sucrées, bien sûr. Ouais. Alors, en vrai, ça n'a pas vraiment le goût d'ananas. Mais c'est un goût sucré, quoi. Mais avec le chipotle. Le chipotle, c'est du jalapeno. Non, c'est du jalapeno fumé. Le chipotle. Ah ok, putain, je croyais que c'était un champignon. Non, ça c'est le peyotle. Ah, le peyotle, ouais. Ouais. Les sauces au peyotle. Non, ça y a pas. Les sauces à la manie de phalloïde, ça c'est délicieux. Ça c'est très bon. Et là, c'est une sauce qui est plus plus purée, quoi. Autant l'autre, elle est liquide, là c'est plus purée, genre tu vois, si tu veux tremper une viande dedans ou un truc, enfin une viande ou du tofu ou n'importe quoi, c'est plus ça. Alors que l'autre, c'est plus une sauce liquide que tu mélanges à un plat. D'accord. Non, mais je le fais à fond. Non, mais hein. Tu le fais bien, intéressant. Et en fait, c'est pas forcément mes trois sauces préférées, mais c'est trois que tu conseilles. C'est des utilisations un peu différentes. Ouais. Et l'autre, celle-là, j'aime bien la sauce Louisiana. La sauce Louisiana ail grillé. Et ça, c'est une sauce qui ça ressemble un peu à genre du tabasco, un truc comme ça. Donc, c'est un truc très liquide, mais tu peux foutre ça n'importe où, quoi. Vraiment, si tu veux relever et donner un petit coup aillé. Sur les pizzas, sauce, même sur les pizzas, c'est incroyable. Tu peux consommer assis par terre, par exemple. Rien. Mais t'as combien de sauces chez toi? Bah, oh là là. Si je déboule là maintenant chez toi, j'ouvre les placards, combien il y a de sauces différentes? C'est un foot sauce. En vrai, j'en ai plus trop maintenant parce que j'ai déménagé et j'ai un petit frigo maintenant. Donc j'ai plus. Avant, j'avais énormément de sauces. Mais maintenant, j'en ai un peu moins. Là, j'en ai, je sais pas, 3-4. Ouais, ok. Mais enfin, j'en ai plus parce que j'en ai qui sont pas au frigo, que j'ai pas encore ouvertes. Donc j'ai un peu dans les tiroirs des sauces quand même. Tu stockes tes sauces. Très bien. Mais et puis, je veux la base pour moi, la sriracha. Parce qu'on la trouve n'importe où. Je sais pas si ouais, mais bon. Je m'en suis un peu saoulé. Alors, par contre, j'ai vu. Moi, je... Non, mais si, si. Non, les gars, vous embrouillez pas. Oui, mais... Par contre, moi, je suis aussi François-Régis Gaudry. Tu sais, qu'un mec a une émission de cuisine sur France Inter. Je connais moins en sauce que moi. Mais, non, mais il a balancé la recette. Je l'ai pas fait encore, mais la recette de pour faire ta propre sriracha. Ah ouais. Et il paraît que c'est dingo. Alors bon, et puis ensuite, il explique très bien en plus comment faire les recettes et tout. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je tente de faire ça. Même si là où j'habite en Essonne, c'est pas facile de trouver. Le mec, il dit alors, faut trouver les piments, oui. Les cacciori. pas trouvé. Ouais. Donc, non, mais sinon, la sriracha, t'en trouves à Carrefour, t'en trouves un peu dans les rayons, le rayon ouais. asiatique des Carrefour. Oui, ou dans les gros supermarchés, je pense. C'est ouais. délicieux. Et alors, vous prenez un peu de mayo, vous mettez de la sriracha dedans, vous mélangez, ça fait une mayo à la sriracha, c'est délicieux avec les frites. Et ça pique pas trop, ça. Ça pique pas trop. Okay. Ouais. Mais et tu c'est... fais pas de tes sauces, jamais. Alors, ça, c'est mon rêve. ça, c'est mon rêve d'avoir ma. Comme Paul Newman, là. Paul Newman, il avait sa marque de sauce, vous saviez pas? Ah bon, non. Parce que nous, là, on a lancé le merch podcast, mais à terme, l'idée c'est de faire la mayonnaise, Adrien Méniel. Ah bah moi, la mayoniel. Mais fais-le, c'est une trop bonne idée. J'ai aucun sens comme de l'initiative. Comme Natou avec donc, ses crocs. Ouais, c'est voilà. la même chose. Sauf que. C'est la même chose. Ah oui. Non, mais en plus, non, mais Paul Newman, il avait sa marque de sauce et 100% des bénéfices allaient à des œuvres de charité. Le mec ne se faisait. Toi, garde la thune quand même. Oui. Non, mais lui, c'était. Bon, lui, tout claqué sur sauce piquante. Ouais. Non, mais lui, si vous faites votre propre sauce, si vous êtes n'importe où en région et que vous cherchez une icône, comment on appelle ça pas, une égérie. Une égérie, voilà. Mais j'imagine trop avec ta petite tête dessus. Non, mais je ferai un dessin. En fait, parce que aussi, il y a un truc que j'adore dans l'univers des sauces piquantes. C'est les étiquettes. Le lore. Les étiquettes. C'est un peu comme les. Toi qui es Zikos, les pédales d'effet de guitare. Il y a toujours des visuels, tu vois, sur les. Je m'en fous, mais. Ça, tu... okay. Non, les instruments, je m'en bats les couilles. Enfin, j'adore la musique, mais je me suis jamais intéressé. Bah, Eleonore, sinon. Ouais, peut-être. Mais il n'y a pas toujours des. Moi, mes pédales, j'ai aucun désir. Sur le blues, sur harmonica. Mettez-moi blues. La tête sous l'eau, tous les deux. Tu vois, ton analogie pue la merde, Adrien. Non, c'est ce que les gens vraiment, essayaient de te dire. S'il y a des icos, et je sais qu'il y en a, notamment dans les commentaires. Non, mais comme certaines bières qui ont des très beaux packaging de bière, tu vois, des trucs comme ça, ouais. Du coup, je me dis, oh là là. Ma passion pour le dessin, ma passion pour la sauce, je pourrais faire tout là moi-même. Quel rêve! Ça, t'es ouf, toi! Et dans le podcast, on offrirait des sauces comme ça, c'est génial, là, magnifique. C'est mon rêve. Mais je vais déjà d'abord m'entraîner à faire juste une petite bouteille une de petite sauce chez moi pour voir. Mais grave! Ta sauce perso! Non, c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer, c'est de faire mes sauces. C'est une super idée. Et bah allez, j'ai envie de faire à bouffer là, ça donne vraiment la dalle. J'ai des envies de ketchup, j'ai envie de foutre ta sauce à la grillée, ça va être pizza maintenant. Éléonore, il est 16h13, alors je vais faire que des questions pour toi, comme ça tu pourras nous quitter avant ta recommandation. Mais c'est pas grave, qu'on prévient les gens. Moi j'ai un train dans une heure aussi. Ça va aller. Mais moi je suis pas comme toi, moi j'habite dans le Perche, donc c'est un tout petit peu plus loin quoi. Ah, donc je dois prendre un TER. C'est pas. Non, je dois prendre le TER à Montparnasse. C'est pas un concours celui qui habite plus loin, franchement. Si. Parce que j'ai perdu. Si, c'est plus compliqué pour moi. Éléonore, en regardant l'ensemble de tes créations, genre humaine, les topos, fantasmes, ta BD. Tout semble rattaché à ta vie personnelle, tes peurs ou ta dépression. J'aime bien les gens qui parlent de la dépression des autres. Est-ce que tu te sentirais d'adapter quelque chose qui ne serait pas de toi, quelque chose qui serait le scénario d'un autre ou un livre que tu as aimé? Bah, c'est tout ce que je fais en ce moment, le long métrage. Génial. Que je t'ai envoyé notamment. Très bien, oui. Là, je vais adapter une bande dessinée qui est la bande dessinée que je vais réaliser et que j'adapte en série. Bah dis donc, tu lâches des gros dos, est-ce que t'as le droit de dire ça? Je sais pas. Bah demande du coup. Alors attends, je vais le redire. Ça sort la semaine prochaine. Non, le podcast, je suis en train d'adapter une bande dessinée. D'accord, très que bien. Que je vais réaliser et adapter. Et qu'est-ce que je fais en non-fiction? Bah là, le truc qui va sortir, si c'est quand même de la fiction, de l'autofiction. Non, mais j'adore. Bah Zérostérone, c'était pas du tout de l'autofiction. C'était une série France TV. C'est marrant slash, parce que je suis un peu cataloguée en mode autofiction. Parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup, mais je fais autant de... Et puis c'est pas mal du tout, surtout, c'est pas grave du tout. Autant de fiction, et puis j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, ça me repose, moi, de faire que de la fiction. Des trucs qui te concernent pas directement. Ouais. De toute façon, on met toujours un peu de soi. Ça nous concerne toujours un petit peu. On met toujours un peu de ce qu'on connaît. C'est un peu de la sauce. Non, mais ça nous concerne. C'est de la sauce. C'est de la sauce. Non, mais c'est vrai. Oui, Léonore, du coup... Léonore, apparemment, tu as parlé. Crac-crac et Léonore. Crac-crac les pommes piquantes. C'est VDB que j'ai fait. Ouais. C'est crac-crac. Toute imitation, c'est plus ou moins moi. Bonjour. Bonjour. Eh, ah bah ouais, mon gars. crac-crac, mon gars. Est-ce que tu as le droit d'en parler? En même temps, tu en as déjà parlé apparemment ailleurs. Où en est l'adaptation de genre humaine pour la télévision? Je pense que j'ai le droit. On en est. J'ai envoyé la V1 des dialogués. Super. Donc c'est un travail très très long. Donc il va y avoir plusieurs versions. En décembre, tout doit être envoyé pour, je pense, un tournage, j'espérais, au printemps, mais ça m'étonnerait fort. Je pense qu'on est plus sur une rentrée de l'année prochaine. Très bien. Et parenthèse, c'est très très très dur parce que c'est un sujet bouleversant dans lequel j'ai pas du tout envie de me replonger. Ouais. Et ça revient sur l'autofiction. En fait, c'est quand même assez con parfois de faire de l'autofiction parce que du coup, tu te retrouves dans des trucs que t'as pas du tout envie de refouiller. Et du coup, là, il faut le refouiller. Éléonore, merci beaucoup d'être venue. Je te laisse partir. Et à très bientôt. Merci, c'était trop cool. C'est toujours cool. Ça fait du bien. Donc, Fantasme, toujours sur YouTube. Adrien Méniel et pas Aurélien, mais c'est Sébastien Chassagne, les gens confondent. C'est vrai. Mais c'est pas avec Aurélien. Et, ouais. Et donc plein de trucs que tu et prépares bah, en des ce trucs moment. À venir dans hyper longtemps mais sauf si j'arrive à faire ce long métrage là la BD décembre, aussi quoi. Non t'es pas sur une BD et... ah oui une BD et un roman aussi ah bah oui, c'est quand ça, même deux gros trucs quand même. Mais voilà mais je cherche des c'est très compliqué de trouver des la BD j'ai un éditeur et le roman je c'est difficile d'accord voilà bon. On verra merci Éléonore bisous des bisous merci à toutes salut à toutes. Question pour Aurélien Prévost. Maintenant que tu as une connexion à la fibre, est-ce que tu vas enfin te lancer dans le streaming de Allez. Twitch? Allez, bah ça serait cool, ouais. Ouais. Voilà. Non, si j'aimerais bien. Après, faut s'équiper, tout ça. T'as rien là encore? Enfin, t'as quand même une caméra rien. Et tout. Ouais, c'est, j'ai ça juste marche. Mon petit Mac. Mais après, ouais. Si tu veux faire des bails, si tu veux jouer à des jeux vidéo, tout ça, il faut. Falloir acheter un PC, mon pote. Ouais, et moi je déteste tout ça. C'est, les PC, c'est savoir. Un truc qui te rend fou. Non, mais tu sais, apprendre des nouveaux logiciels, des nouveaux du matériel et tout. Moi, j'ai peur. T'as trop mat. Si t'as besoin de conseils, j'ai plus d'excuses. Moi, je mais suis mais ouais, j'aimerais bien, ouais. Bisous, Éléonore. Bisous. C'est vrai que j'ai effectivement la fibre, donc avant c'était mon excuse, et là je me rends compte qu'en fait ça suffit pas. Comme excuse. Ouais. Alors c'est quoi ton actu? J'ai la fibre. Ton actu. C'est quand même un bon début. Mais ouais, je kifferais bien. Ouais, c'est cool. Surtout que moi YouTube, plus, enfin ce qui me fatigue, c'est le montage, parce que là les vidéos sont de plus en plus longues. Ah ouais, bah je sors des trucs de une demi-heure. Ça, faut que tu changes d'ordi. J'ai regardé ton truc de Hélène et les garçons. Là, c'est vrai que c'est long. C'est envoyé spécial au milieu de Jean-Luc Azoulay quand même. C'est ça. Il y a longtemps, j'ai fait ce truc. T'as passé combien de temps à faire ça? Au final, l'enquête, ma saga, tout, sur, tout, bah, ouais. C'est commencé fin 2017. Ah ouais. Et je l'ai retrouvé cette année. C'est Élise Lucet, ce mec. Ouais, le Élise Lucet de l'année garçon. Donc ça, ouais, c'était un bonheur. Bah, et oui. Là, c'est vrai que même sur mon format, il fait tout noir, c'est de plus en plus long, quoi. Là, l'épisode que j'ai sorti ce matin, ça dure une demi-heure. Il y a plein de caméras. C'est vrai que c'est. Et c'est vrai que ça me. Twitch, ça fait envie pour ça aussi, quoi. Ouais. Tu te dis, ah putain, tu poses, tu parles, et il n'y a pas de montage à faire. Et surtout qu'il fait tout noir en live sur Twitch. Peut-être un peu cool aussi, ouais. En vrai. Enfin voilà, moi je lance ça. Beaucoup de logistique, quoi. Je lance ça, je m'en fous, hein, mais je te le donne. Hein. Mais j'aimerais bien. Ouais. Quelqu'un demandait d'ailleurs, il y a des invités qui ont refusé, il fait tout noir. Des gens à qui t'as proposé, qui ont fait oh bof, pas chaud. Non. Oui, mais tu vas pas oui, les dire. Oui, mais. Putain, je te demande pas des noms, hein, ouais, juste ouais, des gens ouais, qui oui, mais c'est souvent, bah si. Par pudeur, bah ouais, voilà, c'est très. Voilà, c'est ça, c'est très intime et tout machin, donc des fois c'est pas évident quand. C'est Carlito. mais sinon non pas après moi je suis pas je demande rarement à des gens que je ne connais pas vraiment et tout c'est aussi pour ça que l'émission était pratique parce qu'au début il y avait une espèce de chaîne t'es j'allais voir quelqu'un je disais chez qui vous voulez m'emmener chez qui vous voulez m'emmener et cette chaîne fait que tu te retrouves à aller chez des gens que je n'aurais pas à contacter de base bien sûr donc du coup ça m'évite aussi de me prendre des refus quoi des immenses râteaux ouais Thomas Macron n'a pas Macron t'a laissé en vue ouais j'ai adoré qui veut gagner la flûte à bec oui cet été, les questions étaient très cool et Thomas a animé le tout d'une main de maître. Voilà. Les gens lancent des compliments avec leurs c'est questions, sympa, c'est quand même ça. Super sympa. Je me demandais si on aurait droit à une deuxième saison. C'était un peu tôt pour le demander. Il mais... y a quand même des chances. Ouais. Alors, le seul truc qui fait que je ne le ferai pas, ce sera un problème de temps parce qu'en fait, l'été dernier, j'en ai enregistré 5 et j'en ai fait 4 en direct. C'est ça. En fait, oui, il y en a eu 9 ou 10 dans l'été. Donc j'en ai enregistré 5 et 4 en direct. Et donc si j'arrive à faire un truc qui fait que l'emploi du temps me le permet, je le ferai avec plaisir parce que je me suis bien marré à faire ça. D'ailleurs, Adrien est venu. Il n'a pas eu mon livre, lui, mais il a été invité. Il a été invité. Très bien. Et écoutez, on passe à la dernière partie de l'émission. Les recommandations culturelles. Je vous ai demandé de réfléchir à quelque chose que vous conseillez aux gens. Adrien Méniel n'a pas tout de suite peur de me répondre. Aurélien Prévost, peut-être. Ouais. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire à nos amis auditeurs? Tout à fait. La dernière BD de Riyad Satouf. C'était aussi la mienne, donc je l'efface tout de suite. Le jeune acteur, tome 1, où il raconte du coup les aventures de donc Riyad Satouf, qui est un auteur de BD très connu aujourd'hui pour Les Cahiers d'Esther et L'Arabe du Futur, qui était déjà un mec que moi je suivais à l'époque où il faisait Les Beaux Gosses. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, cette BD raconte lui, son rapport au cinéma, comment il est arrivé à faire les beaux gosses, sa rencontre avec Vincent Lacoste, du coup, qui depuis est un acteur connu, mais qui à l'époque avait 14 ans. Qui est dans Les Illusions Perdues, Balzac, oh là là, mais tout se recoupe ou quoi? Parce qu'effectivement, tu sais que c'est un jeune et tout machin, mais là, tu te rends compte en lisant la BD, parce que du coup, ça raconte du point de vue de Riyad Sattouf, et après, ça te rend compte du point de vue de Vincent Lacoste, c'est surtout. C'est ça qui est incroyable. Génial. Et du coup, t'as le point de vue d'un gamin de 14 ans qui se retrouve à rencontrer Riyad Sattouf et tous les a priori qu'il a sur ce qui se passe. Il comprend rien, et lui, de base, il a aucune expérience de rien. Enfin, tu sais, c'est fou, mais sans y raconter trop d'anecdotes. Non. Mais genre, dans le film, il embrasse une fille, c'est son premier baiser au gars de la vie, quoi, tu vois. Et pas le premier baiser d'Hélène et les garçons. Non, non, parce que là, tout se recoupe pas tout le temps. Et voilà, et Riyad Sattouf, il est tellement bouillant en ce moment là avec tout ce qui sort et tout machin, c'est tellement bien raconté, c'est tellement marrant, c'est tellement et puis là c'est du point de vue de Vincent Lacoste, ouais, quand même. C'est génial. Tout les trois quarts du livre c'est du point de vue d'un ado qui fait les beaux gosses, et le premier tome englobe tout le tournage des beaux gosses. C'est vraiment, ça va de quand ils le font, il lui fait passer le casting à la première à Cannes, quoi. Et c'est incroyable, parce que même le simple fait que ce projet existe, moi je trouve ça un peu fou, quoi. Un c'est peu génial. Comme le doc d'Orelsan, le fait que son frère est filmé depuis toujours, c'est surréaliste. Et là, le fait qu'aujourd'hui Riyad Sattouf soit aussi fort et cette renommée, que Vincent Lacoste soit devenu ce qu'il est devenu, et que ce projet puisse exister, qu'on nous raconte les coulisses de tout ça, c'est génial. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça, voilà, c'est ouais, un puis tu bonheur. Sens, et c'est vraiment autobiographique, et tu sens qu'il y a pas de. Ils sont assez, comment dire. Transparent, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment les doutes que Vincent Lacoste avait à l'époque, à fond, beaucoup d'autodérision sur les ambitions de Riyad Sattouf, le melon qu'il peut avoir par moment, tout ça. Ils se foutent de la gueule l'un de l'autre à travers le truc. Non, c'est vachement bien. Ouais, ça se finit sur un cliffhanger génial, puisque c'est pas vraiment un spoil, mais c'est en gros, c'est Riyad Sattouf qui. Vincent Lacoste lui dit son prochain film qu'il va faire. C'est un film, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle De l'huile sur le feu. Qui est un film où, en gros, c'est un kebab et un restaurant chinois qui se font la guerre. Donc le truc est un peu. Bon, voilà, c'est très série B, un peu. Ouais. Et la dernière case, c'est vraiment Riyad Sattouf qui est blanc en mode. Je veux pas qu'il fasse ça de sa carrière, quoi. Donc il a vraiment un truc un peu. Et surtout grand qu'il se sent hyper responsable de lui. C'est ça. Et de base, il lui dit faut pas que tu lâches l'école. Ce qu'il a peur, un gamin, tu le prends, tu le fais jouer un premier rôle dans un film, t'as une énorme responsabilité vis-à-vis de lui, quoi. T'as peur qu'il devienne un trou du cul. Et là, d'un coup, il se dit mais quoi et donc là, mais ça va pas être le parce que lui, il s'est occupé de lui de fou, et Lacoste, il s'imagine que ça va être tout le temps pareil, le cinéma, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que non. Et c'est ça, moi j'ai trop hâte de voir la suite de la carte de Lacoste dans la BD, parce qu'ils disent vraiment que c'est le tome 1, ils vont faire plusieurs tomes. Ouais, t'as hâte de voir le tournage d'Astérix. Le tournage avec Depardieu et Poulvord, du coup, des gros sur le feu. Moi je vais le mater avant la sortie de la BD, parce que j'ai pas vu, et tu te dis bah faut absolument que je vois ça avant. Ça me donne envie de remater tous les films de Vincent Lacoste à chaque fois qu'ils sortiront la BD, quoi. Et puis ça donne extrêmement envie de revoir les beaux gosses aussi, quoi. Exactement. Oh, quel chef d'œuvre. Ouais, non, ça c'est vachement donc bien. Voilà, cette BD est vraiment super BD, super projet, trop cool que ça existe, trop bien. Thomas, alors moi, un truc que je vais conseiller, parce qu'en fait je pensais que en fait mon premier a priori était pas très bon, mais en fait l'autre jour je suis allé c'est dans Paris que j'ai découvert ça, c'est un mec qui est venu me proposer du crack. Alors, non, alors en fait moi je suis tombé fan d'un groupe. Alors moi je suis souvent fan de groupe. Donc un groupe suédois qui s'appelle les Viagra Boys. Oh. Et alors leur nom au début, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Je cherche un chanteur. Je pensais que c'était un groupe un peu techno et tout. Ouais. Je pensais que ça avait des raisons de pas me plaire et tout. Ouais. Et je suis tombé. Peut-être j'ai lu un article sur eux qui a attisé ma curiosité. Bon, le fait est que je suis mais complètement bloqué sur ce groupe qui a fait deux albums. Donc c'est un groupe suédois dont le chanteur s'appelle Sebastian Murphy. Il a grandi aux États-Unis jusqu'à 16 ans. Et ensuite, il est allé habiter en Suède, où il a monté ce groupe plus tard. Donc le mec a une trentaine d'années. Ils ont fait deux albums. C'est punk avec de la. Donc le mec est tatoué sur la gueule. Hein. Il fait partie de cette catégorie de gens-là, pour savoir. C'est des gars qui ont du mal à trouver un travail dans la fonction publique. Et je suis complètement fasciné par ce chant. Il y a une vidéo, il y a un concert de. Ils ont deux concerts d'une heure qui s'appellent The Shrimp Sessions, les sessions de la crevette. Ouais. Et donc je suis fasciné, j'arrive pas à regarder autre chose. Donc dans leur façon de jouer, cette façon totalement abandonnée qu'a le chanteur de scander les paroles, je trouve ça complètement incroyable. C'est pour moi un des plus grands groupes actuels. Ils jouent beaucoup là en France, ça tombe bien. Ils ont une tournée, ils vont jouer en France bientôt. Ils jouent à Paris ce soir-là, je suis sur scène, pas où, je suis dégoûté. Mais je vais me démerder pour aller les voir, je sais pas où. Ils font Lille le 23, ils sont en Belgique le 22, Lille le 23, donc le 24 à Strasbourg, le 25 à Villeurbanne. Enfin, ils font plein de dates, putain, quoi. Le 26 à Lausanne en Suisse. Il paraît que c'est exceptionnel en concert, et vraiment le concert dont je parle, la Shrimp Sessions, c'est vraiment c'est une de mes grosses tartes récemment. Les Viagra Boys, donc, tout simplement. simplement. Adrien ? Alors moi je vais recommander, bon c'est un truc que a priori beaucoup de gens vont connaître déjà, puisque même on l'a eu comme invité déjà dans le podcast, c'est la chaîne YouTube de Babor. Et pourquoi je recommande ça, c'est parce que Babor a fait il a fait une vidéo il y a quelques temps sur un influenceur qui s'appelle David Michigan. Et donc Babor enfin en gros dit dans sa vidéo que il le soupçonne d'avoir acheté des followers et d'avoir bâti un empire sur rien du tout, etc. Et en fait ce David Michigan a intenté un procès à Babor, et du coup là la dernière vidéo de Babor il raconte son procès. Et du coup comme son procès, bah enfin je veux pas, enfin en gros il y aura d'autres épisodes, en gros je veux pas spoiler, mais du coup c'est assez intéressant parce que bah il, en principe normalement t'as pas trop le droit de parler des affaires en cours, mais lui il a fait une vidéo en plein milieu où il raconte ce qui s'est passé pendant l'audience, enfin tous les trucs quoi. Et bah du coup c'est assez marrant, puis en plus ça vaut le coup de le souvenir parce qu'il est du coup dans une, il est drôle, Babor. Il est drôle, et puis là il est dans une situation un peu délicate, merde, quoi. Dans la merde. Bah, dans la merde. Ça coûte toujours un peu des sous, quoi. On sait pas, quoi. Enfin, je veux pas spoiler la vidéo, mais allez voir, il raconte son procès et tout. Ouais. Et puis c'est surtout que, bon, bah. Enfin, oui, bon, on a envie de le soutenir, quoi. Bah, voilà. Ouais. T'as intenté un procès, toi ? T'avais pas fait un procès ? Bah, moi j'ai pas le droit d'en parler. Ah, par oui, contre. D'accord, oui, c'est ça. C'était pas un procès, parce que c'est pas allé jusqu'au procès, justement. D'accord, il y avait eu un accord à l'amiable. D'accord, oui, c'est ça. C'est en gros un vol de dessin, quoi. C'est ça, exactement. Ah, ouais. Voilà. Le logo des JO, c'était. Footix, c'était Adrien. C'était sur mon site web. Jojo et Footix. Eh bien, quant à moi, je vous conseille. Alors, le problème, c'est que l'épisode sort la semaine prochaine, et à mon avis, la semaine prochaine, ce sera déjà plus dans aucune salle. Mais c'est le film Last Night in Soho de Edgar Wright. Edgar Wright, c'est le gars qui a fait Scott Pilgrim, Baby Driver et les films avec Simon Pegg, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Et le documentaire sur les Sparks. Et le documentaire sur les Sparks que j'ai pas encore vu. Et il paraît que c'est vachement bien. Bah oui. Ouais, il est vraiment bien. D'ailleurs, Sparks, c'est pour moi le plus grand groupe de musique de tous les temps. Bah, moi, je connaissais pas le groupe, j'ai découvert avec le doc. C'est incroyable. Voilà, ouais. Et donc, Edgar Wright, je partage ça avec lui de considérer ces mecs-là comme les plus grands génies de la musique de toute l'histoire. Et donc, il a fait un documentaire qui est sorti cet été, qui est un cri d'amour pour leur musique. Et donc, pardon, je te coupe. Mais je trouve ça super intéressant. C'est Taylor Joy, c'est ça ? C'est oui, voilà, entre autres, mais l'autre actrice d'ailleurs qui joue qui en fait l'héroïne, parce qu'en gros Anna Taylor-Joy c'est pas vraiment l'héroïne, l'autre actrice c'est Thomasine McKenzie, et elle est incroyable. C'est son genre 5e ou 6e film. Elle a joué dans Jojo Rabbit, qui est un autre film que j'avais adoré, et elle est vraiment ouf, quoi. Enfin, c'est vraiment une super actrice, et les deux nanas sont super, et tout le casting est vachement bien, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un film que tu vas voir pour le scénario, voilà, faut le dire, parce qu'il y a des gens qui mettent un peu le scénario au-dessus de tout quand ils vont voir un film, ce qui est pas vraiment mon cas, c'est-à-dire que je peux m'en foutre un peu si tout le reste me plaît. C'est ça, exactement. Et moi j'ai trouvé ça vraiment divertissant, vraiment beau, vraiment des tours de force de réal vraiment géniaux. Il y a tout un truc avec le jeu de miroir dans le film, je vous en dis pas plus, je m'en voudrais de vous le spoiler, parce que vraiment c'est un super film, et c'est un plaisir de suivre la carrière d'Edgar Wright, qui fait quand même des films souvent très différents depuis qu'il... Enfin, il avait fait les trois avec Simon Pegg qui étaient assez similaires, parce que c'était son humour avec son pote. Mais là, de voir qu'il enchaîne Baby Driver, qui est un truc de course-poursuite, Scott Pilgrim, qui est un truc d'arts martiaux, un docu sur les Sparks, et maintenant une espèce de thriller. Enfin voilà, à chaque fois, il change de style, quoi. Mais en même temps, tu reconnais à chaque fois sa patte. Donc c'est vraiment un cinéaste exceptionnel. Il a écrit le Tintin de Spielberg. Et il a écrit le Tintin. Il a écrit le Tintin de Spielberg. Ouais, non, il est trop fort, ce gars. Il est vraiment très intéressant. Et ses interviews sont super aussi. Il est très pote avec les mecs du magazine Empire. Et souvent, ils font des numéros spéciaux. Et là, récemment, il a fait un numéro avec George Miller, qui est donc le mec qui a fait les Mad Max. Et où il parle de façon de travailler. Babe. Et Babe. Enfin, il a réalisé Babe 2. Il a écrit le 1. Et Calme Blanc, c'est lui aussi. Calme Blanc, c'est lui ? Ah, je me souviens plus. Calme Blanc, c'est George Miller, je crois. Ah ouais ? T'as celui-là, je l'ai pas vu, mais il avait fait Les Sorcières d'East Week, que j'adorais. Ah, oui. C'est George Miller, bon, qui est aussi un autre génie. Donc voilà, Last Night in Soho, je sais pas, je sais qu'il passe pas dans beaucoup de. Nous-mêmes à Paris, on a un peu galéré à trouver un ciné qui le diffusait alors qu'il est sorti il y a pas si longtemps. Mais Doc des Sparks aussi, il était un peu dur à trouver à Paris. Ouais, c'était dur à voir. Plus au début du pass sanitaire. Ouais, c'est ça, c'est un peu galère. Ouais, mais moi j'espérais, vu qu'il y avait Annette, qui était un peu parce que c'était les Sparks aussi qui avait fait la BO, qui ont écrit le film et qui avait fait la BO. Mais je pense que c'est de ça d'ailleurs qu'ils ont profité pour sortir le docu. Bah c'est, ça devait être leur été quoi. Mais bon, les deux films sont sortis au tout début du pass sanitaire. Mais bon, le film a été récompensé à Cannes quand même. Oui, oui, Annette, ouais, de ouf. Mais donc j'ai hâte de voir le documentaire des Sparks parce que franchement, il y a plein de guests quoi. Enfin, c'est ouf, apparemment, il y a même Björk. Tous les gens connus qui disent l'admiration qu'ils ont pour ce groupe. Donc oui, Björk parle d'eux. Parce que Björk, ça faisait genre 10 ans qu'elle avait pas donné d'interview ou je sais pas quoi. Donc c'est fou quand même de l'avoir dans un docu et tout. Donc voilà, Edgar Wright, son cinéma, c'est toujours très bien. Et ça, ça en fait partie de la Stanitzo. Super film. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. Un dernier petit tour. Donc, Eleonore nous a quitté un peu plus tôt. Putain de camion. Eleonore nous a quitté. Elle avait un train à 17h15. Voilà. Aurélien, tu viens de sortir un épisode de Il fait tout noir. Tout à fait, ce matin même. Avec Camille Combal. Alors, pour les gens, ce sera il y a quelques jours. Mais bon, ce matin même pour nous. Voilà, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est formidable. Formidable. T'as d'autres trucs de prévu? T'as d'autres vidéos de tournée qui sont en montage? Non, là t'es que du Twitch. Là, là je suis saut dans le vide là. Saut dans le vide, magnifique. Saut de l'ange. C'est vrai que tu bois énormément. Exactement. D'accord. Ça. Très bien. Thomas, bah donc le livre. Oui. On en a parlé un petit peu. Franchement, je vous invite. Moi j'ai eu la chance de le lire et je vous invite vraiment à vous le procurer parce que tu nous as régalé de quelques anecdotes. Mais ça, c'est le sein de ton livre que je goûte. Le goût des anecdotes, c'est bien ça. C'est piquant pour moi. Il y a une catégorie, il y a un article sur Sauce Piquante. Non mais c'est parce que c'est marrant parce que Patrick en parlait la dernière fois, mais c'est vrai que pour tous les gens qui ont grandi dans les années, moi c'est marrant, j'ai grandi un petit peu après, mais je me retrouve dans plein de trucs de gamins qui ont grandi avec du rock et de passion avec la musique, donc vraiment je vous conseille ce livre, c'est très drôle surtout. Patrick Bruel, Patrick Bruel, c'était beaucoup de Bruel, bien sûr, énormément. Et ton spectacle, Thomas VDB s'acclimate, que tu joues un peu partout. Je suis content, ça marche très très bien. C'est fou, c'est tout en complet. C'était tout complet, tout septembre-octobre à l'Européen, et donc je refais Paris janvier-février à l'Européen aussi, mais j'ai plein de dates partout en France. Encore jusqu'au fin décembre et puis encore bien au-delà de février aussi. Donc là, j'ai plein de dates partout cette année. Ouais. Génial, génial. Et tu dans les grandes lignes, tu abordes quoi comme sujet? Je parle pas mal du monde actuel. C'est ça. Et de mes angoisses par rapport à ce monde, mais en me disant que j'ai pas le droit d'en parler si c'est pas drôle. Donc pas. J'essaie de me faire marrer déjà quand je l'écris, et donc je me suis fait marrer en l'écrivant. Ouais. Et ça amuse beaucoup les gens, je crois. Donc parce que ça aide les gens à décompresser un peu sur beaucoup de ces sujets. Moi, je l'ai vu et c'est pas du tout plombant, effectivement. Ah, mais oui, c'est un qui est venu. T'as un axe très détente, alors que tu parles de trucs pas forcément marrants, mais c'est très marrant. Fin du monde, quoi. Ouais. Fin du monde. C'est un truc un peu stressant. Fin du monde. Mais non, c'est quand même pénible, cette fin du monde. Un tout petit peu. Casse-pied. Ça nous escagasse un peu. Et est-ce que tu continueras, parce qu'avec Adrien, c'est notre grande passion, à critiquer l'été lorsqu'il fait chaud, parce que moi sur Facebook. Mais j'en parle, je m'énerve. C'est un spectacle où je parle beaucoup de la chaleur. Pour moi, en fait, un des postulats du spectacle, c'est de dire que moi, je suis pas écolo. Mais que j'aime pas quand il fait chaud. Donc je suis là, sauf que maintenant, quand t'aimes pas quand il fait chaud, bah, t'es obligé d'être écolo. Voilà, c'est contradictions et ces obligations un peu dont je parle dans le spectacle. Trop bien. Et Adrien ? Eh ben, du coup, hors de lui, la série est sortie. Est sortie. Le 12 novembre, j'ai un petit rôle dedans. Voilà. On me voit dans le premier épisode. Pas que, mais notamment si vous voulez juste regarder un seul épisode, bah dans le premier il y a moi. Un véritable bully, Adrien, dans cette série. Je suis un méchant. T'es pas très sympathique. Ça va être Baptiste Lorbert avec Ramzi Bedia. C'est ça. Olivia Cotte et il fait plein d'autres gens super. Il y a Nico. On peut le voir où? Jérôme Niel, Nicolas Barnaud. Ouais. Sur France.tv. France.tv. Plateforme gratuite. Donc c'est gratos. Tout est gratos. Les Gong. Yes. Voilà. Et si tu peux nous pitcher quand même vite fait la série pour les gens. Bah c'est le personnage de Ramzi Bedia qui il bosse dans une boîte de bouteilles, bouteilles d'eau, bouteilles de plastoc. En tout cas, c'est vraiment une ambiance bureau plombante. Voilà. Pas très heureux dans sa vie. Et en fait, il se rend compte que quand sa femme commence à être infidèle, il chie de l'or. Tout bonnement. D'où il a une douleur au ventre. Je l'ai pas vu. C'est bon, je l'ai pas vu. Il a une douleur au ventre et il va chier des merdes, mais de en or massif. Ce sont des véritables lingots. Okay. Voilà. Et du coup, bah, ça crée tout un truc. Tout un petit pataquès. Puis il y a aussi toute l'histoire du personnage qui essaye de lui, s'émanciper de sa vie un peu nulle et tout. Parce que moi, je l'avais pas vu quand on en parlait jusque-là. J'ai vu. Alors, j'ai pas terminé encore la série à l'heure où on enregistre, mais j'ai vu les premiers épisodes et c'est alors. parce que c'est un gars qui chie de l'or. Mmh. Ouais. C'est beaucoup plus profond, si oui, je peux utiliser ce terme, que ça en a l'air. Que c'est ce, vraiment ce pitch pourrait le laisser croire. Que le pitch pourrait le laisser croire. Oui, oui, on pourrait croire que c'est un gros truc de stoner de à la Cheech and Chong ou à la J-Bob de bon, il chie de l'or, c'est marrant. C'est très drôle. Mais ça parle quand même du fait de s'enliser dans son couple et de, d'arriver à rien dans sa vie. Et c'est assez. C'est cool. Moi qui connais un peu Baptiste Lorber dans la vie, c'est, je trouve qu'il a réussi un truc très personnel. C'est Baptiste qui a écrit ? Ouais. Okay. Écrit, ah bah, écrit, il a co-écrit. Ouais. Il a co-écrit, je crois. Et il l'a réalisé. Et voilà, donc super série, hors de lui, dans laquelle Adrien brille de mille feux, parce qu'il le dit. Génial. Brille comme la merde qui sort du cul d'un zim, vous m'entendez ? Très bien, bah merci tout le monde en tout cas, passez une merci bonne journée, toi. Et puis à très bientôt, ciao, bisous. Petite imitation de Thomas, s'il te plaît. Ouais, mon gars, la sauce. Ah bah non, attends, du tout. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.